Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin et que vous avez passé une bonne nuit. Content de vous retrouver évidemment. On est en direct sur Fun Radio jusqu'à 9h30. Mickaël à la radio avec le warm-up qui s'achève à l'instant. Et puis, c'est reparti, hein. C'est parti jusqu'à 9h30 avec Julie donc qui est en pleine forme ce matin. Toujours en méga forme. Eh bien, j'ai envie de dire tant mieux. Bah écoute, j'essaye en tout cas pour vous de relever un peu le niveau de la forme. Oui, non, mais c'est-à-dire que ça va mieux là, je suis plus en chaleur. Bah, on attend de voir que t'es bouffé de chaleur. T'es plus en chaleur, l'autre il est en t-shirt avec un décolleté. Bah quoi, avec un décolleté. Non, mais attends, j'ai un t-shirt standard. Mickaël nous a sorti le décolleté. C'est ça, vous avez raison, ouais. Non. C'est vrai qu'il est plus ouvert que d'habitude. Bah non, c'est le même t-shirt que d'habitude. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Oui, il arrive jusqu'à mon nombril, c'est ça, ça excite tout le monde ici. C'est pour ça que je fais ça pour rendre service. Mickaël s'est pris pour Jean Rock ce matin. Mais oui, c'est ça, exactement. Non, mais ça va là. Là il fait bon là, je suis plus trop chaud ni quoi que ce soit comme hier, donc pour l'instant on verra après. Donc il y a Lob qui est là également en pleine forme aussi. Oui, voilà Lob avec lui, mais bon. Mal ouais. dormi, mais bon, ouais. Non, ça va, je suis... Il va mieux. Bon, ben Lob, en tout cas, qui fera la déclaration express tout à l'heure. Si vous voulez participer à la déclaration express ou si vous voulez faire une déclaration express à votre copain, copine ou une déclaration de rupture, par exemple, ça marche aussi. Vous nous faites un petit message au 3044 en débutant le message par déclaration ou alors sur le mail de Lob, lob@funradio.be. Toff est là en pleine forme également. Attends, moi, je suis en super forme depuis que j'ai appris la nouvelle pour Ryanair. Ah oui, avec les films porno. Attendez. Bah on en parlera plein de fois tout à l'heure avec Julie peut-être et puis avec Toff, on va appeler les gens. Aujourd'hui, bah je pouvais pas passer à côté. Bah c'est obligé ça. D'appeler. Voilà, si vous êtes pas au courant, restez bien là, on va vous expliquer. Puis pour les autres, vous savez maintenant, donc on appellera des gens pour faire chez le monde, hein, comme tous les matins vers 7h, 8h et 9h moins 10. Pour répondre à la bonne nouvelle. Et surtout pour répondre à la bonne nouvelle, effectivement. On aura plein de sons aussi ce matin à vous faire écouter. Il y aura Likili, on vous passera également le son de Jay-Z, le son de David Guetta, il y aura le son d'Enrique Iglesias aussi, tout ça arrive. Avant 7h du matin évidemment. Et puis côté cadeau, pas mal de choses avec déjà la ligne anti-relou. Et côté cadeau, des places pour aller assister au Starfloor. C'est l'événement Dancefloor qui aura lieu le 26 novembre à Paris-Bercy. On vous enverra là-bas évidemment avec en prime la possibilité de rencontrer Jason Derulo qui sera présent évidemment. Il y aura Florida, il y aura Antoine Clamaran, il y aura Pitbull également qu'on écoutera d'ici quelques instants d'ailleurs sur Fun Radio. Ce sera tout à l'heure. Si vous voulez gagner vos places, je vous dirai quand est-ce qu'il va falloir envoyer le code Star. On vous remboursera vos factures également au 6322. Là, vous pouvez vous inscrire dès maintenant si vous le souhaitez en débutant votre message par facture tout simplement avec le montant et l'objet de la facture. On vous appellera d'ici 35 minutes à peu près pour vous offrir et vous rembourser le montant de votre facture. 6322, code facture avec le montant et l'objet de la facture. Et je voulais dire aussi, car il faut pouvoir parfois avouer ses erreurs. Effectivement, il a fait dégueulasse hier, comme Julie avait prédit, alors que la RTBF avait prédit un temps légèrement ensoleillé. Ben voilà, écoute, qu'est-ce que je te dis, à chaque fois, tu remets ma météo en doute et à chaque fois, au fur et à mesure que la journée s'écoule, tu te rends compte que j'avais raison. Non, pas à chaque fois, il y a des fois où tu te trompes. À chaque fois. Mais voilà, je voulais simplement dire que. Je me suis excusé en disant j'ai eu tort. Voilà, je voulais dire que hier, effectivement, j'ai eu tort, mais à coup de pas. Si on parle de résultats de football, ça oui, là j'ai souvent tort. Ah oui, là je te confirme, effectivement. Bon, et puis les écrans plats gagnés encore aujourd'hui, écrans plats ou pack Nintendo Wii pour gagner, c'est facile, il faut répondre à la devinette qui colle, c'est pas plus compliqué que ça. Écoutez bien, facile. Ce militaire se marie au cinéma pour notre plus grand plaisir. On qualifie ainsi une personne autoritaire associée au voleur. C'est un jeu. Pour info, il y en avait avant en Belgique. En général, il se promenait dans des véhicules avec une bande orange. Pas bon, en général, c'est comme ça en général, voilà. Si vous avez la bonne réponse, 6322, je répète, ce militaire se marie au cinéma pour notre plus grand plaisir. On qualifie ainsi de personne autoritaire associée au voleur. C'est un jeu. La bonne réponse au 6322. Bonne chance tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a là? Des fois aussi un caca par terre, on dit que c'est ça. Ah bon? Oui. Bah Liège alors, hein, parce que sinon moi ça me dit rien du tout. Hein, bon, dans un instant sur Fun Radio, David Guetta. David Guetta avec Saïa, ce sera Titanium. Et pour ceux qui galèrent un peu, je donnerai quelques indices encore d'ici quelques instants. Ah oui, il me semblait bien aussi qu'il n'écoutait pas. Hein. 6h30, tout pile, c'est l'info maintenant avec Julie. Bonjour à tous, une page de l'Italie se tourne. Silvio Berlusconi va démissionner. Il Cavaliere a subi un revers de trop. Quel accent. Il a perdu la majorité absolue du Parlement. Cette fois, il jette l'éponge. Il démissionnera après l'adoption au Parlement des mesures promises à l'Union européenne pour éviter la contagion de la crise de la dette. Pendant qu'en Grèce, les pourparlers continuent pour former un gouvernement d'union nationale. L'accès au coffee shop du sud des Pays-Bas sera réservé à partir du 1er janvier aux seuls habitants du pays. Une mesure destinée à éradiquer les nuisances liées au tourisme de la drogue. La mesure entrera en vigueur pour les provinces du Limbourg, Brabant Nord et Zélande, les provinces les plus touchées par le tourisme de la drogue. Cette mesure, qui fait partie du programme du gouvernement de centre-droite du Premier ministre libéral Mark Rutte, entrera en vigueur donc au 1er janvier 2013 dans le reste des Pays-Bas, a poursuivi, a donc dit son porte-parole. Tu viens de flinguer la journée de l'Aube. Ah, je suis désolée. Chez nous, pour trouver un emploi facilement, mieux vaut être bilingue. Près d'une offre d'emploi sur 5 proposée par le Forum exige explicitement la connaissance d'une autre langue que le français. Pour favoriser l'emploi, le gouvernement wallon va lancer Wallang, une plateforme d'apprentissage du néerlandais, de l'allemand et de l'anglais, accessible gratuitement par Internet. Il s'agit des cours interactifs qui pourront être complétés par un encadrement dans des centres de formation conventionnés. Le projet coûtera 5 millions d'euros. La SNCB a prévu une série de nouvelles dispositions pour informer les voyageurs plus rapidement des retards de train. À partir de l'année prochaine, la SNCB informera des retards dans les 3 minutes. Les informations sur les incidents seront désormais centralisées dans un programme informatique. Les nouveaux trains seront équipés d'écrans qui indiqueront le temps de parcours restant en tenant compte des incidents de parcours et des déviations. Des applications smartphone permettront également aux voyageurs de disposer de cette information. Et puis, le personnel de la SNCB a justement décidé de débrayer à partir de 22h ce soir jusque demain même heure, ce qui entraînera la suppression de trains. Des retards seront donc à prévoir sur les rails. Et restez bien là, car à 6h32, nous écouterons dans un instant le son de David Guetta avec Saya. Ce sera Titanium sur Fun Radio. Je vous rappelle aussi l'énigme dans quelques instants. Il y en a quelques-uns qui galèrent quand même. Hein. Et puis, la météo maintenant à 6h32, c'est parti. Un temps parfois fort nuageux, surtout en matinée, mais généralement sec. L'après-midi, quelques éclaircies se développeront, maxima de 12 à 17 degrés. Demain, beau soleil et quelques gouttes possibles sur le littoral. Je m'en vais de suite vérifier sur le RTBF. Et allez, passons maintenant à l'info en plus. Eh bien, on en a un tout petit peu parlé il y a quelques minutes avec Toff, parce que j'imagine que cette information a dû faire les yeux de Toff, qui va vouloir voyager énormément avec la compagnie Ryanair. Je m'explique pourquoi. Parce que peut-être que bientôt le porno va arriver dans les avions Ryanair. Après avoir voulu proposer des sièges debout ou supprimer les toilettes, Ryanair pourrait donc bientôt donner l'accès à des films porno sur ses vols. Bon, je pense que ça se passera jamais. C'est encore un coup de pub. L'autre, voilà, bientôt il va vouloir faire voyager les gens pour payer moins cher. Il les mettra à côté d'un mort, tu vois. Donc, c'est possible. Non, mais voilà, non, mais tu vois, c'est oui, mais vous payez 50% moins cher car la personne à côté de vous est morte. Ah, bon, d'accord, hein, moi je prends. Hein. Michael O'Leary, le patron de la compagnie aérienne low cost, fait donc encore parler de lui. Donc son but, évidemment, c'est de faire toujours plus de bénéfices. C'est pour ça qu'il a voulu à un moment donné supprimer les toilettes dans les avions, parce que comme ça, s'il construit pas de toilettes dans ses avions, bah il gagne un peu d'argent. Ou alors faire payer. Enfin, déjà il fait payer tous les repas et ce genre de choses. Et maintenant il se dit, bah, pourquoi pas. Lui, il explique, la plupart des hôtels dans le monde ont ce service, pourquoi pas nous. Donc voilà. Donc c'est vite. Alors petite information en plus, les films ne seraient pas diffusés sur les grands écrans des appareils. Oh, déception. Parce qu'il faut savoir que chez Ryanair, chacun n'a pas sa petite télévision, hein, ah évidemment. Oui. Sinon, il n'y a même pas d'écran en fait. Hein. Donc, mais si t'as des grands écrans pour tout le monde en fait. Et donc, ce serait pas diffusé sur ces grands écrans-là, bien évidemment, non, mais uniquement sur iPad ou iPhone. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, écoute, c'est sympa. Hein. Oh. Ah bah non, mais c'est sympa. Dans le sens, ah quand même, ils respectent les gosses quand même. Bah, de toute façon, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. C'est pas comme si. Je crois que lui, il s'en fout, hein, le mec. Hein. S'il pouvait, il le ferait. Hein. C'est juste que là. Il est arrêté par la police. Il aura quelques petits problèmes, effectivement. Alors, sur la porte de l'avion, il est écrit moins de 18 en fait. Ouais, c'est ça, interdit au moins de 18 ans, pourquoi pas. C'est pas mal. Bon, tout à l'heure, on appellera des gens pour leur proposer de voyager avec Ryanair, là, s'ils seraient pour ou contre le fait. Enfin, si eux, ça les dérange ou pas, en fait. Bah, on va les appeler tout à l'heure avec Toff. Tu prends ton vol et tu te retrouves à côté de quelqu'un qui a loué un film de cul. Qui est en train de regarder un film porno. Pourquoi pas, c'est un concept. C'est un petit peu dérangeant. C'est conceptuel. Bon, dans un instant, je vous rappelle la devinette qui colle. Et avant cela, on va s'écouter le son de David Guetta sur Fun Radio avec Saya. Maintenant à 6h35, c'est Titanium. Bon réveil tout le monde, c'est mercredi aujourd'hui le 9 novembre. 6h38 sur Fun Radio, c'est mercredi le 9 novembre. Ce matin, il y aura dans quelques instants le son de Enrique Iglesias avec Pitbull. Ce sera I Like How It Feels. On écoutera également la Ligue anti-relou. Ça, ce sera d'ici 5 grosses minutes. Et je vous rappelle également la devinette qui colle. Ça, c'est pour gagner les écrans plats ou les packs Nintendo. Oui, écoutez bien. Ce militaire se marie au cinéma. Il peut parfois être en balade également. On qualifie ainsi une personne autoritaire associée au voleur. C'est un jeu. Qui est-il ? En Belgique, ça n'existe plus, mais avant, il se baladait dans des véhicules avec des bandes oranges. Voilà, si vous avez la bonne réponse, qui est-il ? 6322, c'est un euro le message. Écran plat à gagner ou pack Nintendo. Oui, je répète, ce militaire se marie au cinéma, peut parfois être en balade également, et en tout cas a déjà vu des extraterrestres. On qualifie ainsi une personne autoritaire associée au voleur. C'est un jeu. Ils ont été aussi à Saint-Tropez. Oui, exactement. À New York aussi. Oui, à New York également. Hein. Donc, si vous avez la bonne réponse, 6322, c'est un euro le message. Un indice éventuel, Toff, ou en plus Là, comme ça, non, j'ai pas d'indice. On a déjà tout dit là, ils ont disparu en Belgique, on a donné tous les titres. Se balade. Il y a un coin de ciel bleu dans le ciel. Oui, ah bon, forcément, parce que un coin de ciel trop bleu. Quand il y a un coin de bleu dans le ciel, on appelle ça par. Ah bon ? Ouais. Ah bah, je ne savais pas. Décidément, je me coucherai beaucoup moins grand ce soir. C'est bon, bizarre. Oui, moi aussi, je trouve ça c'est un peu bizarre aussi. Ma grand-mère disait ça, donc. D'accord, bah écoute, il n'y a pas de problème. Je pense que ma grand-mère a raison de toute façon. Oui, certainement. Les grand-mères ont toujours raison. On ne va pas remettre la parole en doute de grand-mère. Tout à fait. 6322, si vous avez la bonne réponse, donc c'est un euro le message. Bonne chance. On va parler de Brad Pitt maintenant aussi. Oui, alors le site de vente eBay peut maintenant se vanter d'avoir Brad Pitt en vente. Ah. Waouh. Ouais. L'acheteur... C'est quoi l'enfume ? C'est une petite, c'est quoi ? Il n'y a pas d'enfume. C'est l'acheteur le plus généreux pourra passer un moment avec l'acteur parce que Brad Pitt espère que ses fans évidemment enchériront le plus possible pour le rencontrer. Comment faire pareil avec Toff ? Pourquoi Brad Pitt ? Pourquoi Brad Pitt est à vendre sur eBay ? Eh bien, pour trouver de l'argent pour les habitants de la Louisiane qui ont eu leur maison détruite par l'ouragan Katrina en 2005. La rencontre avec Brad Pitt aura justement lieu en Louisiane, donc à la Nouvelle-Orléans où l'ouragan Katrina avait tout détruit en 2005. Eh bien, c'est l'association Make It Right qui construit des maisons solides et durables pour les personnes qui ont tout perdu. Donc les enchères démarrent à 10 000 dollars. Ah oui, bah quand même. 240 euros, pour parler en euros. Quand même. Donc allez-y, vous pouvez aller surenchérir pour passer une soirée avec. Ah bah oui, bah allons-y. Hein. Enchérissons. Vous pourrez le rencontrer et dormir à l'hôtel Hyatt durant deux nuits avec la personne de votre choix. Non pas avec Brad Pitt, hein. Vous le rencontrez et puis après vous passez la nuit avec quelqu'un d'autre. D'accord. Julie a déjà mis 20 000. Oui, c'est ça, oui. Bah, elle a déjà surenchéri, mais les blindés, c'est normal. Correct. Mais évidemment. Il est 6 heures. Dites-nous, tiens, vous mettriez de l'argent, vous, pour aller passer une journée comme ça ou quelques jours avec Brad Pitt ou Hyatt, justement, en Louisiane. Bon, ça peut être pas mal aussi, déjà, ça. Mais il faut payer le billet d'avion soi-même, hein. C'est pas compris dans le prix, ça. Bon, je vous confirme. Bon, 6h42 sur Fun Radio, bon réveil. Dans un instant, rappel de la petite devinette qui colle. Et puis, la ligne anti-relou va débarquer. Ainsi que Enrique Iglesias et Pitbull. I Like How It Feels sur Fun Radio. Bonne matinée avec nous. Ne bougez pas. Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. Il est 6h46 sur Fun Radio, bon réveil tout le monde, mercredi 9 novembre, et que se passe-t-il sur les routes ? Alors, à moitié une bonne nouvelle, la chaussée est libérée à hauteur de Reims sur le 313 à 7 en direction d'Anvers, mais il y a encore des files à cet endroit à partir un petit peu avant même du kilomètre 10.4. Très bien, donc faites gaffe si vous êtes sur la route, évidemment, évitez ce coin-là, et puis je rappelle également que vous pouvez aussi filer un coup de main aux autres auditeurs, et à nous aussi d'ailleurs, hein, si vous êtes témoin d'un problème sur la route, d'un accident, d'un bouchon, d'un radar éventuellement, qui sera en train de se placer ou qui serait placé, n'hésitez pas à nous transmettre l'info, la Fun Solidarité au 3044, c'est 50 centimes le message, ou alors un petit mail mikael@funradio.be, ou encore Facebook et Twitter, si vous avez ça dans la voiture avec un téléphone portable, et bien vous tapez mikael officiel tout simplement pour nous rejoindre sur le Twitter ou sur le Facebook. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0 473 86 00 13. Fun Radio. D'ailleurs, j'ai mis une bonne nouvelle sur le Facebook et sur le Twitter, si vous voulez aller voir ce que c'est là. Mm-hmm. Une exclusivité totale. J'en parlerai tout à l'heure. Ooh. Bon, allez, la ligne anti-relou maintenant sur Fun Radio, c'est parti. Nous allons maintenant diffuser les meilleur message laissé sur ce répondeur qui vous est intégralement dédié, évidemment, pas à vous bien sûr, mais mis à votre disposition, dédié au relou. Voilà, je me suis mal exprimé. Si vous voulez, vous pouvez retenir ce numéro par cœur, 0473 86 0013. C'est aussi simple que ça. Dès que vous croisez un relou, plutôt que de lui dire oh, va te faire foutre, arrête de m'emmerder, je suis pas intéressé, etc., dites-lui écoute, là je dois y aller, j'ai pas le temps, j'ai un rendez-vous, mais tiens, voici mon numéro, appelle-moi et on se revoit bientôt. Comme ça, le relou va vous lâcher l'affaire. Enfin, va lâcher l'affaire et il sera ravi parce qu'il sera persuadé qu'il aura réussi l'affaire en or, alors qu'en fait pas du tout, puisqu'il va laisser son message sur la ligne anti-relou et que nous on sera un plaisir bien sûr d'écouter ça. Comme maintenant, écoutez le premier message. Salut, tu me plais très bien. Tu es une mignonne nana. J'ai envie de t'embrasser. J'ai envie de t'embrasser. Ah oui. Tu me plais très bien. Hein. Est-ce que c'est le même que... Non, je voudrais pas remercier tout le monde d'avoir venu. Ah non, bah c'est pas le même. A priori, il n'y a pas la même voix. Mais ils sont de la même famille. Mais ils doivent être de la même famille, oui. Bon, et deuxième message laissé sur la ligne anti-relou ce matin. C'est moi. Je sais pas si tu te souviens de moi. T'avais bu un peu. Là, je suis devant l'immeuble en 82. Bah, si t'es pas là, appelle-moi. Eh oui, appelle-moi, si bah oui. Pas là, si t'es pas là, appelle-moi. Mais c'est tellement intéressant comme ça, au moins t'es tranquille. Hein. Bon, et puis enfin, le troisième message. Eric, c'est Lucie, voilà, je t'appelle en fait parce que j'ai un petit problème. Enfin, je me rappelle plus de rien l'autre fois, écoute, j'étais ivre morte. Je voulais savoir en fait, il y a 15 jours, quand on a couché ensemble, si t'avais mis un préservatif. Parce que là, j'ai pas mes règles et ça m'inquiète vachement en fait. Le problème, c'est qu'elle ne t'inquiète que pour ça. C'est encore la meilleure nouvelle qui puisse lui arriver, c'est qu'elle est un gosse au final, hein, parce que ça pourrait être bien pire. Mais enfin, si elle a un gosse, va retrouver le père avec la ligne anti-relou. Hein. Ouais, enfin bon. Par contre, si elle chope une maladie, va retrouver aussi le donneur, si tu veux. Hein. Donc, donneur de la maladie. Le donneur de la maladie, ouais. Donc voilà, mais sortez couvert tout le temps quand même, même si vous êtes bourré, prévoyez une capote dans votre jean. Enfin, je sais pas, essayez d'y penser, démerdez-vous, quoi. Ouais. Bon, 6h49 sur Fun Radio, on va écouter Enrique Iglesias maintenant avec Pitbull. I like how it feels. Je vous rappelle la devinette qui colle dans un instant, et puis on va appeler des gens aussi pour leur proposer ce nouveau service de Ryanair, le film porno avec l'avion. Voilà, enfin, l'avion avec du film porno plutôt. En fait, l'idée c'est surtout de savoir combien ils sont prêts à payer pour. Voilà, bon, on fait ça dans un instant. Il est 7h10. Enrique Iglesias maintenant et Pitbull. I like how it feels. Vous ne comptiez pas éteindre le réveil? C'est bien ce que je pensais. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Enfin, il fait ce qu'il peut. Enrique Iglesias sur Fun Radio à l'instant avec Pitbull. Pitbull qui sera d'ailleurs au Starfloor, l'événement Dancefloor de cette fin d'année. Ce sera le 26 novembre à Paris-Bercy. On aura l'occasion de vous envoyer là-bas évidemment tout à l'heure avant 9h30. Restez bien à l'écoute. Je vous signalerai quand est-ce qu'il va falloir nous envoyer le petit message avec le code STAR et vos coordonnées complètes au 6322. Je vous le dirai, on en parlera tout à l'heure. Et puis avant d'écouter Jay-Z aussi, on va se refaire un petit coup de la petite devinette qui colle. Devinette qui colle maintenant, écoutez bien. Ce militaire se marie au cinéma. Il est parti à New York, il habite à Saint-Tropez, enfin il habitait à Saint-Tropez en tout cas, et parfois il est en balade. On qualifie ainsi une personne autoritaire associée au voleur, c'est un jeu. En Belgique ça n'existe plus, ça existait avant, il se baladait en général dans des voitures blanches avec une ligne orange, hein. C'était ce qu'on appelait les shérifs dans leur Golf GTI à l'époque. Donc si vous avez la bonne réponse, qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce que c'est, il y a un écran plat ou un pack Nintendo Wii à gagner. Il suffit d'envoyer la réponse au 6322, c'est un euro le message, bonne chance tout le monde. Bon, qui est la victime ce matin? Ce matin j'appelle donc comme Julie l'a expliqué, Ryanair a une grande idée. Ouais, enfin veut proposer, hein, parce que c'est comme d'habitude, ils veulent des trucs mais au final ils les mais font. Mais c'est jamais. Ça, je suis sûr que ça va même pas se faire, c'est encore une fois que de la pub et on tombe dedans parce que tout le monde en parle. Je sais pas trop s'ils vont pas le faire quand même, parce que comme ça va être sur des PDA, des tablettes, ouais, ou sur des tablettes ou des trucs comme ça. Je sais pas s'ils vont pas le faire parce qu'au final ça les engage à pas grand chose quoi. Juste à ce que tu payes avec ta carte de crédit. C'est vrai. Mais donc moi je me suis demandé ce matin, est-ce que les gens sont prêts à regarder des films porno dans un avion et surtout à combien? C'est ça. Et donc du coup j'appelle. Je propose d'appeler ce matin. Je suis pas sûr que t'aies les réponses, mais bon, surtout à cette heure-ci, mais on va voir. On appelle où? À Strepibrachny. Allez, c'est quel beau nom. Oui, allez, c'est parti, on y va, on appelle. Strepibrachny. J'ai pris des villes de ouf ce matin. Oui, bah, j'ai bien vu. Allô? Oui, bonjour madame. Ah, monsieur, vous voyez l'heure qu'il est? Oui, je vois bien. Et je vous appelle, est-ce que vous connaissez la compagnie Ryanair? Bah, ça commence très bien, tiens. Ah bah, vous ça avez pas vu l'air qu'il vraiment emballé tant que ça. Hein. Est-ce que vous avez vu l'heure qu'il est? Enfin bon. Non, mais bah, il, oui. Il est même pas 7h du mat. Quoi. Mais c'est vrai, bon, enfin bon, allez, on y va, on rappelle. Il n'y a pas d'heure. C'est vrai, il n'y a pas d'heure pour les braves. Allez, on rappelle. Évidemment. On rappelle. Oula. Oui, excusez-moi, mais vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Là, monsieur, vous cassez les pieds, on n'a pas que ça à faire, hein. Bah, oui, mais si vous répondiez, je vous rappellerai plus. Ah bah elle a pas compris le concept apparemment hein. Bon, et bah c'est pas grave, on va la rappeler encore un petit coup hein, parce qu'elle ne comprend pas là. Allez hop là, c'est reparti. Voilà. Bien finir par avoir une réponse. Il y aura Jay-Z après. Allô. Oui, bonjour monsieur. Voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé, nous avons encore été coupés avec votre dame. Qui êtes-vous? Alors voilà, en fait je vous appelle parce que je fais un petit sondage pour la compagnie Ryanair. On en a rien à foutre de Ryanair et allez vous faire foutre. Vous, Ryanair et toute la compagnie, ok? Bah, excusez-moi, monsieur. Tu téléphones plus, oh. Excusez-moi. T'as compris. Monsieur, je... raccroche, basse. Casse pas les couilles. Oh, c'est quoi cette agression là? Tu téléphones plus, t'as compris? Tu sais, genre il fait peur, tu vois. Tu téléphones plus, t'as compris? Arrête, basta. Quel homme sympathique. Basta, casse pas les couilles. En tout cas, une chose est sûre. Je voudrais remercier tout le monde d'avoir venu. Ah, lui, par contre, on va le remercier d'avoir venu aussi. Hein. 6h57 sur Fun Radio, on rappellera d'autres personnes tout à l'heure évidemment. Si vous avez des numéros éventuellement à nous communiquer de gens qui seraient chauds, qu'on leur pose ce genre de questions, n'hésitez pas à nous transmettre. 3044, on compte sur vous. Dans un instant, l'info de Julie arrive. Je vous explique comment faire pour vous faire rembourser vos factures. Et on écoute l'excellent son de Jay-Z Kenny West maintenant. Why I Love You sur Fun Radio. Bonne matinée sur Fun. Jay-Z à l'instant sur Fun Radio. Il y a l'info de Julie qui arrive dans quelques instants aussi. Le remboursement des factures, c'est dans un instant. Je vous explique comment faire dans 2-3 minutes après l'info. Pour le remboursement des factures, évidemment, c'est dans 10 minutes. Pour être précis, qu'on vous appellera peut-être chez vous. Et puis la réponse aussi, dernière chance pour vous de donner la réponse à la devinette qui colle. Si vous voulez une chance de repartir avec l'écran plat qu'on met en jeu ce matin ou le pack Nintendo. Oui, écoutez bien la devinette qui colle. Ce militaire se marie au cinéma. Il peut être en balade. Il a également vécu à Saint-Tropez. Et est parti à New York entre autres, a vu des extraterrestres également aussi d'ailleurs. On peut dire que Louis de Funès le représente. De Louis de Funès. De Funès. Oui. T'as dit Funès. C'est Louis l'erreur que je faisais quand j'étais petit. Louis de Funès. Louis de Funès. Louis de Funès. Je l'ai dit très vite. Tu ne l'as pas Louis compris. De Funès, c'est cela. Funès. Oh, parce que les journalistes, elles se trompent jamais. Ah là, non, ça marie. Donc je disais, ce militaire se marie au cinéma. On qualifie ainsi une personne autoritaire associée au voleur. C'est un jeu. Et oui, le... Voilà, tout simplement, hein, et voleur, comme ça, voilà. Ah oui, enfin, vous savez. Bon bref, donc qui est-il, si vous avez une idée? Ça n'existe plus en Belgique, hein, ça a existé évidemment. Avant, il se baladait dans des voitures blanches avec une ligne orange. Voilà, et tout ça, simplement. Ça veut dire que t'es vraiment vieux si tu te rappelles de ça, quoi. Bah non, c'était dans les années 90, je crois. Ouais, ouais, c'est ça, les années 90, ouais, un truc comme ça, dans les Golf GTI, Golf 2. Enfin bon, oui, c'est date, hein, je suis d'accord. Bon, dans un instant, oui, si vous avez la bonne réponse, 6322, vous envoyez votre réponse. C'est 1€ le message et on vous appelle dans 10 minutes, un quart d'heure grand max pour vous offrir votre écran plat ou votre pack Nintendo. Oui, c'est vous qui choisirez. Il y aura aussi le son de Cap de Luna avec Drop It Low. Ça va arriver aussi dans un instant sur Fun Radio. Mais avant cela, c'est l'info avec Julie. Bonjour à tous. Une page de l'Italie se tourne. Silvio Berlusconi va démissionner vraisemblablement à la mi-novembre. Il Cavaliere a subi un revers de trop. Il a perdu la majorité absolue au Parlement. Cette fois, il jette l'éponge. Il démissionnera après l'adoption au Parlement des mesures promises à l'Union européenne pour éviter la contagion de la crise, de la dette. Pendant qu'en Grèce, les pourparlers continuent pour former un gouvernement d'union nationale. En France, dans l'affaire du meurtre de la petite Océane, un jeune homme s'est présenté à la gendarmerie hier soir afin de demander à ce qu'on vérifie s'il n'était pas l'auteur du meurtre de la fillette, âgée de 8 ans, dont le corps avait été retrouvé dimanche matin à Bellegarde, dans le Gard. Il ne se souvenait plus de ce qu'il avait fait samedi soir, le soir de l'enlèvement d'Océane. Chez nous, un mort et deux pompiers blessés dans un incendie à Thuin. Le feu a pris hier soir, peu avant minuit. Les pompiers de Thuin sont arrivés sur place quelques minutes plus tard, mais l'occupant de la maison avait succombé en combattant le sinistre. Un des pompiers a été blessé par la chute d'un mur et un autre a été victime d'un malaise. On ignore l'origine de l'incendie. Elle Klotemans, qui avait été condamnée en octobre de l'année dernière à 30 ans de prison pour avoir donné la mort à une rivale en sabotant son parachute, a introduit une plainte devant la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg. C'est l'ultime possibilité qui lui reste pour tenter d'obtenir un nouveau procès d'assises. Els Klotemans avait introduit un recours en cassation contre l'arrêt de la Cour d'assises de Tongres qu'il avait condamné, mais celui-ci avait été rejeté pour des raisons de non-respect de délai. La SNCB a prévu une série de nouvelles dispositions pour informer les voyageurs plus rapidement des retards des trains à partir de l'année prochaine. La SNCB informera des retards dans les 3 minutes. Les informations sur les incidents seront désormais centralisées dans un programme informatique. Des applications smartphone permettront également aux voyageurs de disposer de cette information. Le personnel de la SNCB justement a décidé de débrayer à partir de 22h ce soir jusque demain même heure, ce qui entraînera la suppression de trains. Des retards seront donc à prévoir sur les rails. Et puis, pour trouver un emploi facilement, mieux vaut être bilingue. Près d'une offre d'emploi sur 5 proposée par le Forum exige explicitement la connaissance d'une autre langue que le français. Pour favoriser l'emploi, le gouvernement wallon va lancer Walang, une plateforme d'apprentissage du néerlandais, de l'allemand et de l'anglais, accessible gratuitement sur Internet. Il s'agit de cours interactifs qui pourront être complétés par un encadrement dans des centres de formation conventionnés. Il est 7h04 sur Fun Radio, c'est la météo maintenant. On écoutera aussi d'ailleurs Kate DeLuna dans un instant avec Fat Man Scoop. Temps parfois nuageux, surtout en matinée, mais généralement sec. L'après-midi, quelques éclaircies se développeront. Maxima entre 12 et 17 degrés. Demain, beau soleil et quelques gouttes possibles sur le littoral. Exactement. Bon, je vous explique comment faire pour vous faire rembourser vos factures. C'est dans 30 secondes. Restez bien là. Fun Radio. Fun Radio. Le remboursement des factures dans un instant sur Fun Radio. Je vous appelle en direct dans 4 minutes pour être précis. Si vous voulez vous inscrire pour qu'on vous rembourse vos factures, c'est facile. 6322, vous envoyez un petit message. C'est 1€ le message. Vous débutez votre message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Et qui sait, c'est peut-être chez vous que nous appellerons d'ici quelques instants. 6322, code facture avec le montant et l'objet de la facture. Comme par exemple quelques messages qui sont arrivés. Facture de GSM, 50€. Amende radar, 115€. Bah, fallait rouler moins vite. Hein. Ouais. 38€ pour un contrôle des techs, bah, il fallait payer le ticket. Qu'est-ce que j'avais envie de dire aussi. 108€ pour l'assurance voiture, 100€ pour un synthétiseur, 76,95€ pour Luminus, 67,50€ pour l'électricité, 67€ pour les plaquettes de frein, etc., etc. Bref, si vous voulez vous inscrire, 6322, code facture, bonne chance, on vous appelle dans 4 minutes. Quelle est l'info en plus? Eh bien, on en a parlé cette semaine, un astéroïde devait frôler la Terre, ouais. De la taille d'un porte-avions. Ah ouais. On en a un petit peu discuté, mais tout en étant très rassurant, il va pas toucher la Terre, etc. Eh bien, ça y est, il est passé. Ah, ça y est, la alors. Nuit dernière, il a frôlé la Terre. C'était quand même le plus gros objet céleste à s'approcher aussi près de notre planète. Bah, la taille d'un porte-avions, oui. 1976. Bah oui, parce que quand même 400 mètres de diamètre, c'est quand même pas mal. C'est pas mal. Il a été baptisé 2005 YU55. Mais quel joli nom. Je cherchais un nom, justement, tiens, au cas où j'avais un gosse un jour, tiens. Bah, ça me paraît pas mal, ça, comme nom, tiens. Bah voilà, ce 2005 YU55 a frôlé notre petite planète à minuit 28, mais il est passé quand même à 319 000 km de la surface, oui, de la Terre. La distance de la Lune à la Terre, quoi. Ouais, il était à côté, donc, ouais. Donc ça va quand même. Mais heureusement, il a rien fait de mal, quoi. Il a pas influencé les marées, les plaques tectoniques, donc tout va bien. Mais je voulais signaler, il est passé près de chez nous. Ça et y le est, pire, c'est 400 mètres, comme tu dis, c'est tellement ridicule, c'est une poussière dans l'espace, tu vois. Ah oui, c'est vrai. On sait même pas pourquoi on en parle, tu vois. C'est tellement. Oui, bah oui, alors quoi, c'est pas grave. Bon, 7h07 sur Fun Radio, on va s'écouter Kate DeLuna et Fat Man Scoop, Drop It Low. Et puis remboursement des factures juste après Kate DeLuna. Bonne chance, 6322, code facture. Le son de Kate DeLuna sur Fun Radio, l'instant avec Fat Man Scoop, c'était Drop It Low. Bonne matinée tout le monde, 7h10 sur Fun Radio ce matin, avec Julie dans un instant pour l'info. Enfin, dans un instant, je m'emballe un peu, hein. C'est dans 20 minutes, mais comme minutes, ça vous le savez. Le temps, bah ouais, mais bon, et ça va vite 20 minutes. Il y aura l'horoscope de Doudou aussi dans un instant, et le remboursement des factures, c'est de suite. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. On aura Deepside DJs aussi avec Never Be Alone, et puis plein de messages qui sont arrivés pour le remboursement de vos factures. C'est facile pour se faire, 6322, c'est un petit SMS que vous envoyez avec le code facture, 90€ pour la taxe communale des déchets ménagers, 85€ pour des chaussures de running, 60€ pour un jeu PS3, 160€ pour le gaz électricité. Il y a Juicy aussi qui dit 95€ pour l'assurance. Bref, appelons maintenant et on va rembourser une facture de 38€. On appelle, bah on ne sait pas chez qui, mais enfin on va bien vérifier pour savoir chez qui on arrive. Allô, allô, ah, voilà, ça sonne, c'est magnifique. Hop là. Allô. Allô. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Allô. Bonjour, oui. Oui, bonjour. Qui rembourse les factures le matin? Je vous écoute. Non, je dis qui rembourse les factures. Qui rembourse les factures le matin? Allô. Ah, ça m'a l'air compliqué. Ah oui, bonjour. Bonjour. Qui rembourse les factures le matin? Fun Radio, Michel. Eh oui. Bon, il aura fallu le temps, mais c'est arrivé quand même. Je vous écoute tous les jours. Eh ben voilà, ben c'est très bien. Comment tu t'appelles? Formidable. Christian. Salut Christian. Donc, on va te rembourser ta facture de 38 euros. C'est pour payer quoi? C'est pour le contrôle technique. Ah, le contrôle technique de la voiture. T'as eu une carte verte? T'as eu une carte verte? Oui. Ah bon, ça va alors, c'est que la voiture est en bon état, c'est bien. Tranquille, non? Eh ben tranquille. Bon ben Christian, on va t'envoyer ton argent, on va t'expliquer au standard comment on fait, d'accord? Oui, merci. Ben je t'en prie. Salut Christian. Eh ben bonne matinée à toi aussi. Merci Christian. Salut Cricri. Ciao à toi. Et puis si vous voulez faire comme Christian tout à l'heure, vous voulez qu'on vous appelle aussi chez vous là, d'ici même pas une heure, d'ici 58 minutes pour vous rembourser vos factures. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Un petit SMS au 6322. Vous débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Et qui sait, on appellera peut-être chez vous tout à l'heure. On va s'écouter aussi le son de Deep Side DJs dans un instant. Avec Never Be Alone. Il y aura l'horoscope de Doudou aussi d'ici quelques minutes. Et la réponse, c'est la devinette qui colle. Ça arrive dans un instant sur Fun Radio. Restez là. Mickaël, à la radio. C'est Homer Simpson sur Fun Radio. Alors comme ça, tu crois pouvoir réveiller tout le monde, hein? Eh ben, essaye de me réveiller déjà, espèce de petit. Mickaël, à la radio. Le son de Deep Side DJs à l'instant sur Fun Radio, c'était Never Be Alone. Il est 7h17, bon réveil. Il y aura dans un instant Tayo Cruz et Florida avec Hangover. L'info de Julie qui arrivera aussi d'ici quelques instants. Et puis bah là, c'est le moment, c'est l'instant de faire l'horoscope de l'ami Doudou maintenant. C'est parti. Fun Radio, l'horoscope. Et oui, l'horoscope de l'ami Doudou. Hein. Ah là là là là, on a eu de la chance ce matin. Hein. Ah bon, vous trouvez que se réveiller avant les poules, c'est de la chance, vous? Mais non, je parlais pour l'astéroïde là qui est passé à côté de la Terre, là, Julien en a parlé, là. À côté, vous rigolez, elle a dit 319 000 km, vous appelez ça à côté, vous? Oui, enfin, c'est le plus proche depuis 1976 quand même, hein. Oui, mais si vous trouvez que ça, c'est à côté, je peux faire l'horoscope dans mon lit, hein, je serai toujours moins loin que l'astéroïde, hein. Oui, non, ça va aller. Bon, allez, on va continuer à faire l'horoscope ici, ça ira très bien. Les béliers, Doudou. Alors, les béliers, ne vous étranchez pas quand votre partenaire essaie de comprendre vos sentiments. Les taureaux. Grâce au soutien d'un bon ami, vous allez régler un problème. Les gémeaux. Ne craignez pas de faire des erreurs. Les cancers. De nouvelles perspectives s'offrent à vous et il ne tient qu'à vous de les réaliser. Ah, Julie va se barrer. Nouvelle. Ah, peut-être. C'est ça, tu attends que ça, en fait. Bah, non, pas du tout. Hein. Ouais, elle va aller sur l'RTBF, et oui, direction la bord. Les lions. Un peu de risque va vous donner des ailes. Mais non, elle est encore trop jeune pour l'RTBF. C'est vrai. Les vierges. Ne vous laissez pas envahir par la routine. L'amour en souffrira. Les balances. Soyez plus optimistes et surtout plus courageux. Les scorpions. Même si ce n'est pas votre but, vous agacez les autres avec votre ironie aujourd'hui. Les Sagittaires. Vous êtes sujet au stress et à l'agitation. Faites en contrepartie du sport et cessez de vous mettre sous pression. Les Capricornes. Profitez de cette journée pour faire souffler un vent nouveau dans votre vie de couple. Les Verseaux. Suivez votre intuition, ce qui vous aidera, c'est une bonne planification professionnelle. Et enfin, les poissons pour terminer. Ne pensez pas de trop, vous perdez la vue d'ensemble. Très bien, dans une heure, Doudou. Bah oui, hein. Bah oui. Bah oui, parce que vous voulez pas que je vois tout dans mon lit. Eh ben non, vous n'allez pas retourner à votre lit, je vous confirme. Dans un instant, on appellera quelqu'un pour donner la bonne réponse à la devinette qui colle et ainsi repartir avec un écran plat ou un pack Nintendo Wii. Je le répète, on a encore un petit peu de temps, une dernière fois là, puisqu'on donne la réponse dans 3 minutes. Ce militaire se marie aussi. Cinéma. Il est également parti à New York, il habitait à Saint-Tropez et a vu des extraterrestres entre autres. On qualifie ainsi une personne autoritaire associée au voleur. C'est un jeu, si vous avez la bonne réponse. Qui est-ce qu'on cherche? À l'époque, ça existait en Belgique, ça n'existe plus aujourd'hui, mais il se baladait dans des voitures blanches avec une bande orange. Voilà, il se partageait les travaux avec la police. Et historiquement, c'est parce que c'est les seuls qui avaient des armes. Et oui, historiquement, effectivement, oui, c'est les militaires, quoi. Si vous avez la bonne réponse, 6322, c'est un euro le message, bonne chance. Et puis on va écouter le son de Tayo Cruz maintenant. And Florida, c'est Hangover sur Fun. Tayo Cruz et Florida à l'instant, Hangover sur Fun Radio. Ne bougez pas, l'info de Julie arrive dans un instant. Et la réponse à la devinette qui colle, nous avons Christian qui est avec nous de Spa. Salut Christian. Salut, bonjour. Comment ça va Christian? Ah super, génial. Bon, ben sois le bienvenu, hein, 105.7 pour écouter Fun à Spa, c'est la région de Verviers, donc 105.7. Alors Christian, tu as 24 ans, tu fais quoi dans la vie Christian? Enseignant. Enseignant. Oh là là là là là. Martyrise des enfants. Oui, martyrise des enfants. Ouais. Tu es enseignant dans quel domaine? Dans dans la menuiserie. Dans la menuiserie, d'accord, ok. Eh ben écoute, bon courage alors, hein, Christian, pour aujourd'hui. Hein. Bon, le Christian, mec qui mal, hop, un coup de disqueuse. C'est ça, exactement, une petite scie. Bon, alors, Christian, tu as la réponse à la devinette qui colle. Ce militaire se marie au cinéma. On qualifie ainsi une personne autoritaire associée au voleur. C'est un jeu qui est-il ? Le gendarme. Eh oui, le gendarme, effectivement. Le gendarme qui te fait gagner un écran plat ou un pack Nintendo, oui, tu choisis quoi ? L'écran plat, s'il vous plaît. L'écran plat, eh ben, y a pas de problème, on va t'envoyer ça, y a pas de souci, Christian. Passe une bonne journée à Spa. Merci bien. À bientôt. Salut, salut. Ciao à toi. Et hier, pendant l'émission, on cherchait sur internet pour voir ce qu'on trouvait sur Julie. Et donc, Julie nous disait : mais non, les gars, vous trouverez rien sur moi. Blablabla. Ah non, qu'est-ce que vous avez préparé sur moi ? Mais tu nous as bien sous-estimé. Et surtout, tu as oublié de nous dire que tu avais fait une pub. Eh oui. Pas du tout. Eh oui. Et en plus, c'est pas pour n'importe quoi. Hein. T'aurais pu nous le dire quand même que t'avais ce genre de petits soucis, là, qu'est-ce sincèrement. Que vous racontez ? Non, on aurait compris. Voici Julie. Bonjour à tous. Cet hiver, Julie est encore tombée malade. Ah oui, c'est vrai, ouais. Julie a encore passé plusieurs jours en face de sa cuvette de toilette. Mon Dieu, quelle horreur. Ah bah oui, dommage que Julie ne connaisse pas Probiotical. Probiotic quoi ? Parce que Probiotical est l'ange gardien de votre flore intestinale. Probiotical, une innovation des laboratoires Facobel. Allez, le dire. Bravo, franchement bravo les gars. Comment ça bravo ? Ah, de l'avoir trouvé. Ah ouais, bah ouais. Je te la chercher. Hein. Merci Top d'avoir découpé ce que j'avais pu dire à l'antenne pour c'est faire faux. Ça. C'était très non, c'est très bien fait. C'est une vraie pub. Je comprends pas de quoi tu viens là. Bah, je écoute, comprends pas j'aimerais problème, bien là. Parce qu'on on mais gagne. C'est une vraie pub. Par contre, c'est une vraie pub. Hein. Ah oui, c'est vrai. Mais hein. J'aurais bien voulu la faire. Tu gagnes blindé hein, quand tu fais une pub. Mais malheureusement, ce n'est pas moi. Mais c'est très bien fait. Vous êtes décidément trop fort. Dans un instant, nouvelle énigme sur Fun Radio pour repartir avec des écrans plats. Les Black Eyed Peas, Don't Lie, maintenant sur Fun Radio, 7h26, bon réveil. 7h29 sur Fun Radio, bon réveil tout le monde, il y a Jennifer Lopez qui arrive dans un instant, ce sera Papy, l'info aussi de Julie dans quelques secondes, et puis un écran plat qui est parti il y a quelques instants, direction Spa chez Christian, nouvel écran plat joué à mettre en jeu maintenant, et à gagner donc écran plat ou pack Nintendo Wii, à vous de choisir. Si vous avez la réponse à la devinette qui colle, on remet le couvert. Une table, il peut exiger, de gazon, il peut se contenter, son filet ne sert pas à pêcher, ses tournois sont très prisés. Qui est-il ? Nous cherchons un sport évidemment, hein. Si vous avez la bonne réponse, je répète, une table, il peut exiger, de gazon, il peut se contenter, son filet ne sert pas à pêcher, ses tournois sont très prisés. La bonne réponse au 63-22, un petit indice éventuellement, Julie ? Non, non, pas, Tof, un petit indice ça se joue à 2 ou à 4 ? Oui. Voilà, mais. Ah, merci pour ça, Tof. Oui. Oui, non, voilà, je cherchais, mais je reviens plus sur son nom. Et en général, quand il n'y a pas aucun bruit, on entend juste. Excuse-moi. Voilà, ça, c'est les bruits de ce sport. Et ils veulent l'interdire. Et ah bon ? Ouais. Ah, je ne savais pas ça. Bon, si vous avez la bonne réponse, 63-22, quel est le sport qu'on cherche ? Une table, il peut exiger, de gazon, il peut se contenter, son filet ne sert pas à pêcher, ses tournois sont très prisés, ce n'est pas du ping-pong, mais on n'en est pas loin. Comment bon. Ça, on veut l'interdire ? Dans un instant, sur Fun Radio, Jennifer Lopez. Ça va arriver, c'est avec Papy. Il y aura un petit Mickaël rêvé la Belgique aussi, juste après. Ce n'est pas du baby-foot non plus, hein. Allez, c'est l'info maintenant à 7h31 avec Julie. Bonjour à tous, une page de l'Italie se tourne. Silvio Berlusconi va démissionner vraisemblablement à la mi-novembre. Il Cavaliere a subi un revers de trop. Il a perdu la majorité absolue au Parlement. Cette fois, il jette l'éponge. Il démissionnera après l'adoption au Parlement des mesures promises à l'Union européenne pour éviter la contagion de la crise de la dette. Pendant qu'en Grèce, les pourparlers continuent pour former un gouvernement d'union nationale. En France, dans l'affaire du meurtre de la petite Océane, un jeune homme s'est présenté à la gendarmerie hier soir afin de demander à ce qu'on vérifie s'il n'était pas l'auteur du meurtre de la fillette âgée de 8 ans, dont on a retrouvé le corps dimanche matin à Bellegarde dans le Gard. Il ne se souvient plus de ce qu'il a fait samedi soir, le soir de l'enlèvement d'Océane. Chez nous, l'absentéisme au travail pour cause de maladie explose, plus 30% en 10 ans. Fatigue, stress, burn-out, tous ces éléments peuvent jouer. Un absentéisme qui coûte cher à l'employeur. 875 euros, c'est ce que vaut en moyenne une journée d'absence pour maladie. L'étude du CFR Institute constate une réelle différence entre les entreprises qui portent une attention particulière au bien-être de leurs travailleurs. Le taux d'absentéisme y était de 3,6% en 2009 contre plus de 5,58% au niveau national. Else Klotemans, qui avait été condamnée en octobre de l'année dernière à 30 ans de prison pour avoir donné la mort à une rivale en sabotant son parachute, eh bien elle a introduit une plainte devant la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg. C'est l'ultime possibilité qui lui reste pour tenter d'obtenir un nouveau procès d'assises. Else Klotemans avait introduit un recours en cassation contre l'arrêt de la Cour d'assises de Tongres qu'il avait condamné, mais celui-ci avait été rejeté pour des raisons de non-respect de délai. Les agences locales pour l'emploi tirent la sonnette d'alarme. Un arrêté royal impose aux agences locales pour l'emploi de renflouer les caisses du fédéral. Cet arrêté de la ministre de l'Emploi, Joëlle Milquet, prévoit de ponctionner sur les réserves des ALE. Chaque agence aura un montant à rembourser en fonction notamment de son activité titres et services. 10 000 emplois sont menacés sur l'ensemble du pays. Selon les syndicats, la plupart des agences ont déjà puisé dans leurs réserves et donc, si l'arrêté est maintenu tel quel, ce sera soit la fermeture d'agence, soit la suppression d'effectifs et donc de services à la population locale. Une manifestation est prévue le 25 novembre à Liège. Et puis pour trouver un emploi justement facilement, mieux vaut être bilingue. Près d'une offre d'emploi sur 5 proposée par le Forum exige explicitement la connaissance d'une autre langue que le français. Pour favoriser l'emploi, le gouvernement wallon lance Walang, une plateforme d'apprentissage du néerlandais, de l'allemand et de l'anglais accessible gratuitement par internet. Il est 7h34 sur Fun Radio, bienvenue si vous arrivez. Dans un instant, c'est Jennifer Lopez qu'on va écouter. Et avant cela, c'est la météo. Aujourd'hui, un temps parfois fort nuageux, surtout en matinée, mais généralement sec. L'après-midi, quelques éclaircies se développeront, maxima de 12 à 17 degrés. Demain, beau soleil pour le reste de la semaine, mais quelques gouttes possibles sur le littoral. C'est pas grave, de toute façon, c'est de l'autre côté, ça. Hein bah oui, on bah, voilà, en plus, on ne les écoute pas là-bas, donc voilà. Bah, voilà. Bon, 7h34 sur Fun Radio, toujours, c'est l'info en plus maintenant. L'info en plus qui excite beaucoup Toff et peut-être même toi aussi, Mickaël. Et j'ai vu également les yeux de l'aube pétiller. Ryanair, la compagnie aérienne low cost, va peut-être proposer des films porno sur ses vols. Michael O'Leary, le patron donc de la compagnie low cost, fait encore parler de lui. Il fait souvent parler de lui. Il avait déjà proposé de supprimer les toilettes dans les avions pour faire des économies. Ou encore de faire payer plus cher ceux qui sont plus gros. Déjà maintenant, il fait payer de toute façon les repas dans les vols Ryanair. Pourquoi pas, effectivement. Et maintenant, il envisage donc de donner la possibilité aux voyageurs de ces avions de pouvoir regarder des films pornographiques pendant les vols. Lui, il dit que la plupart des hôtels dans le monde ont ce service, pourquoi pas nous ? Alors, petite précision, ces films ne seraient pas diffusés sur les grands écrans des appareils, parce qu'il faut aussi signaler qu'on n'a pas chacun son petit écran personnel dans les avions Ryanair. Ah bah non, c'est trop cher. On a à peine la place pour mettre ses jambes. Ça c'est quand t'as du bol. Hein. Exactement. Donc, il explique que ce ne sera évidemment pas diffusé sur les grands écrans qu'il y a dans les appareils pour tout le monde, mais uniquement sur iPad ou iPhone. Donc, à voir, est-ce que cette mesure va être mise en application ou pas ? En même temps, si vous voulez faire des économies, prenez votre téléphone vous-même et mettez votre film porno dedans. Hein. Ça vous coûtera beaucoup moins cher que de devoir le louer chez Ryanair. Après, je dis ça, je dis rien. Dans un instant sur Fun Radio, nous allons faire un petit Mickaël réveille la Belgique. Et avant cela, on va écouter le son de Jennifer Lopez avec Papy. Je vous rappelle la petite énigme, tiens, on a un petit peu de temps. Une table, il peut exiger de gazon, il peut se contenter. Son filet ne sert pas à pêcher. Ses tournois sont très prisés. Si vous avez la bonne réponse, c'est un sport qu'on cherche. Quel est-il ? 63-22, c'est 1 euro le message. Bonne chance tout le monde. Il y a des écrans plats à gagner ou des packs Nintendo Wii. Jennifer Lopez, c'est Papy sur Fun Radio. Jennifer Lopez sur Fun Radio, 7h39. Et Mika qui arrive aussi dans un instant avec Elle me dit. Et à 7h39, justement, nous avons Toff qui est là pour un petit Mickaël réveille la Belgique. Allô. Oui, je peux pas parler trop fort en fait là. Ah bon ? Parce que, en fait, je suis dans une maison qui est pas loin de la radio. Ouais. Et en fait, ils ont laissé la fenêtre, à mon avis, pour aérer. Donc t'es rentré par effraction. Je vais crier pour les réveiller à l'intérieur. Donc t'es rentré par effraction. Non, en fait, enfin, non, sans effraction, en fait. Mais. Ah, c'est un rez-de-chaussée, d'accord, ok. C'est un rez-de-chaussée, donc là, je passe le mégaphone par la fenêtre. D'accord, ok, très bien. Voilà, attention, vous êtes prêts ? Allez, vas-y alors. Donc là, il faut savoir qu'il est pas loin de la radio. Un voisin a laissé sa fenêtre ouverte pour aérer. Et lui, il gueule à travers la fenêtre. je crois que le monsieur n'a pas apprécié. Ah, on a bien entendu le collard ta gueule, c'est ça hein. Et donc là, je viens de me faire claquer la tête à la gueule. Ah, voilà. Oh, bah, fallait s'y attendre, hein. Ça pouvait arriver. Il y a que ça qui pouvait arriver, hein. Bon, eh bah, écoute, bah, voilà, c'était un bon réveil à Belgique. C'est génial. Voilà. Et donc, je viens de remarquer que nous avions une maison de retraite à côté de la radio. Non, pas là. Je pensais mal. Lancer un défi, voir combien on peut en faire clamser en non, un réveil. Non, c'est mal. C'est pas bien. Bon, reviens parce qu'il va falloir appeler pour Ryanair, là, comme c'est des films pour nous. Très bien, parfait. Bon, ben voilà. Bon, oui, donc, c'est quoi ? Connard, ta gueule. En même temps, c'est normal. Hein. Donc, pour rappel, il était donc il y a un voisin. Donc, imaginez-vous, vous êtes à un rez-de-chaussée, vous laissez la fenêtre ouverte pour aérer, puis il y a un con qui arrive avec un mégaphone pour vous réveiller. Effectivement, on peut relativement mal le vivre. Il y a Mika qui arrive dans un instant sur Fun Radio. Mika, ce sera Elle me dit, et ne bougez pas de là, 8h20, dans un instant on va se faire la ligne anti-relou et l'infotrafic. Vous ne comptiez pas éteindre le réveil ? C'est bien ce que je pensais. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Enfin, il fait ce qu'il peut. C'est Fun Radio, il est 7h45 et nous passons maintenant à l'infotrafic. Que se passe-t-il sur les routes ? Prudence, objet encombrant sur le 40 Bruxelles-Gand à hauteur de Mel. Bande de gauche obstruée, situation dangereuse. C'est un pare-choc qui est au kilomètre 38,7. Ah oui, normal, c'est là que ça doit se trouver. Et puis accident sur la N46 à hauteur de Herpemer. La chaussée est fermée dans les deux sens. Bon, et je vous rappelle aussi que si vous êtes témoin d'un problème sur la route, hein, n'hésitez pas à nous le signaler, bien sûr. C'est ce qu'on appelle la Fun Solidarité, hein, pour aider les autres auditeurs de Fun à ne pas emprunter le même chemin que vous aussi, il est pourri. Vous nous envoyez un petit SMS au 3044, c'est 50 centimes le message en nous donnant des infos sur le problème que vous voyez, même si un radar ça peut être bien aussi. Ou alors direction Facebook ou Twitter pour nous envoyer vos messages en direct. Vous cherchez Mickaël espace officiel, tout simplement pour nous rejoindre. Ou même le mail, ça fonctionne aussi, tiens, tant qu'à faire. Mickaël@funradio.be. La ligne anti-relou, c'est ce que vous attendez tous. Eh ben c'est parti. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0 473 86 00 13. Fun Radio. La ligne anti-relou sur Fun Radio chaque matin, c'est comme ça que ça se passe. À 7h, 8h et 9h moins quart, les meilleurs messages laissés sur la ligne anti-relou. La ligne anti-relou, c'est vous qui la faites vivre, car vous devez retenir ce numéro par cœur, 0 473 86 00 13, et le donner à tous les relous que vous pouvez croiser, que ce soit votre boss par exemple, que ce soit un collègue, que ce soit votre prof, que ce soit un relou qui vient vous draguer tout simplement. Bref, n'importe quel relou est bon à... Il suffit de donner ce numéro à n'importe quel relou. Voilà, c'est ça que je voulais dire. 0 473 86 00 13. On va écouter maintenant le premier message de ce matin. Allô Anaïs, c'est moi, le premier que je suis dans les cœurs, je t'ai pas vu. Qu'est-ce que tu fais ? Je serais sympa que tu me rappelles. Merci. Oh, il a une belle voix. Allô, c'est difficile, hein. C'est très difficile. J'aime bien le sympa que tu me rappelles. Merci. C'est un grand bleu au milieu, tu dis pourquoi il s'est arrêté. Il attend une réponse. Ouais, je en fait. C'est ça, il attend une réponse pour plus tard. Bon allez, autre message laissé sur la ligne anti-relou. Salut, tu me plais très bien. Tu es une mignonne nana. J'ai envie de t'embrasser. Ouh là là. J'ai envie de t'embrasser. Oh. Ah mon dieu. C'est sexy Julie ça. Ah non, pas du tout. Tu t'étais déjà à moitié là. Si. Ça fait super d'ailleurs peur en fait, parce que les gens sont vrais. Parce qu'on me pose la question, hein. On me demande est-ce que la ligne anti-relou, est-ce que ce sont des vrais. Oui, ce sont des vraies personnes quoi. Ah oui, ça des vrais. Super peur. Des vrais cassos. Et à mon avis, ils doivent être de la même famille que. Je voudrais remercier tout le monde d'avoir venu. Voilà, je crois qu'ils doivent être de la même famille. Probablement, ils ont été à la même école. Ils ont appris français dans la même école. Ou ils n'ont pas été à l'école. Ah, peut-être. C'est possible aussi. Dernier message de ce matin. C'est moi, je sais pas si tu te souviens de moi, t'avais bu un peu. Là, je suis devant l'immeuble entre 82. Bah, si t'es pas là, appelle-moi. Oui, bah, surtout si t'es pas là. Pas là, hein. Oui, c'est ça. Parce que si t'es là, ça m'intéresse évidemment beaucoup moins. Voilà. Bon, et ben voilà, numéro de la ligne anti-relou à retenir par cœur. Si vous voulez éventuellement envoyer un relou sur cette ligne, justement, 0 473 86 00 13. Bonne chance tout le monde. Dans un instant, je vous rappelle la devinette qui colle. On appellera également les gens pour leur demander combien ils seraient prêts à mettre pour voyager avec Ryanair, avec un film porno en primé. On écoute Mika sur Fun. Elle me dit C'est Fun Radio. Et dans quelques instants, il y aura le son de Florida avec Good Feeling. Florida, ça veut dire qu'il y a les places à gagner maintenant pour aller au Starfloor, tout simplement, puisqu'il sera là-bas également, hein, forcément. Il y aura aussi Pitbull, il y aura également Antoine Clamaran. Place à gagner pour aller au Starfloor, l'événement Dancefloor de la fin de l'année. C'est à gagner, c'est à Paris-Bercy. On vous envoie là-bas tout frais payé si vous avez du bol et que vous êtes tiré au sort avec la rencontre également de Jazz and the Rule. Ça, c'est le tirage au sort qui aura lieu lundi. Mais on vous expliquera tout ça dans un instant. Si vous voulez vous inscrire, 6322, débutez le message par Star avec vos coordonnées complètes. Bonne chance tout le monde, on vous appelle avant 9h. 6322, code Star avec vos coordonnées complètes. Bon, vous le savez, Ryanair a une nouvelle grande idée, puisque la compagnie a décidé, enfin en tout cas le mec qui gère la compagnie a décidé de... C'est Mike O'Leary. Mike O'Leary. Le voilà. Patron de Ryanair qui fait beaucoup parler de lui. Exactement. Encore maintenant. Et donc qui a décidé de faire payer les voyageurs pour qu'ils puissent regarder de manière personnelle évidemment un film porno. Non, c'est un projet. C'est un projet, mais enfin il aimerait bien que ça marche en tout cas. C'est une proposition, c'est une idée qu'il a eue. Et donc du coup tu as décidé de réveiller les gens ce matin, Tof, pour leur demander s'ils seraient pour ou contre. Quoi. Si comme moi ils seraient hyper intéressés par ça et surtout combien ils sont prêts à mettre pour regarder ce petit film. Bon, tout à l'heure ça n'a pas bien marché là où on a appelé. Oui, si on peut voir ça comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. Donc on va appeler Aion maintenant là. Oui, parce que je trouvais que c'était bien, ça rimait avec Fion. Ouais, merci. Bon, allez, c'est parti. On appelle Aion maintenant. Ah, dégrange pas les masses. Ah. Allô. Oui, bonjour monsieur. Oui. Oui, voilà. En fait, je vous appelle parce que le patron de Ryanair, Mike O'Leary, a décidé de mettre à disposition des passagers des films pornographiques pendant les vols. Et j'aurais voulu savoir si ça vous aurait intéressé. Des films pornographiques ? Oui, c'est ça, monsieur. Ça m'intéresse pas du tout, madame. Ah bon ? Et si vous pouvez pratiquer le film avec les hôtesses qui sont dans le calendrier, est-ce que ça vous aurait intéressé ? Bon, allez, voilà. Ah, bon, allez, il a un téléphone de merde, hein, il faut quand même le préciser aussi, ça, ce monsieur. Tu as remarqué qu'il a entendu que c'était madame. Madame, oui, c'est ça, madame. Bon, on va le rappeler ? Bah oui. Bon, on y va, c'est parti. Au moins lui dire que c'est monsieur. Oui, c'est ça. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il aura toujours un téléphone. Allô ? Oui, par contre, excusez-moi, je suis un monsieur. Oui, alors, qu'est-ce qui se passe ? Bah non, mais je me demandais combien vous seriez prêt à payer donc pour regarder un film porno. Écoutez, dans un avion. Est-ce que vous avez vu l'heure qu'il est ? Oui, j'ai bien vu l'heure, monsieur, oui. Bon, moi, je suis un homme que je travaille, et vous me dérangez, pourquoi ? Pour savoir si vous voulez regarder... Comment est-ce que vous me permettez de me déranger à ce ci ? Pour savoir si vous voulez regarder des films porno. Allez vous faire foutre. Il fait peur, lui, hein. Aïe, aïe, aïe. Allez vous faire foutre. Ouais, allez vous faire foutre. Bon, on va le rappeler, hein. Il avait l'air tellement bien. Oui, allez, un petit dernier pour la route. C'est ça, une petite dernière fois, ça nous fait plaisir, c'est... Oui, alors ? Oui, donc, mais combien vous... J'appelle la police ou bien quoi ? Mais combien vous seriez prêt à payer pour... Écoutez, vous me répondez, oui ou non ? Oui, moi je vous réponds, c'est vous qui répondez pas à ma question. Qu'est-ce que vous voulez exactement, ceci ? Bah, maintenant, comme vous m'avez dit là, me faire foutre, je voudrais savoir combien vous seriez prêt à payer pour me regarder me faire foutre dans un avion. Ah, il fallait s'attendre à ça. Hein. Ouais, bah tu m'étonnes. Bon, eh ben, on remettra le couvert tout à l'heure. Hein. On rappellera encore d'autres personnes. Si vous avez des numéros à nous donner, d'ailleurs, allez-y. Hein. 30-44, on compte sur vous. Rappel de la devinette dans un instant après Florida sur Fun. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Ah, c'est génial. C'est énorme ce que vous faites. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. 7h58 sur Fun Radio. Restez bien là. Dans un instant, il y aura David Guetta avec Usher. Message qui est arrivé. Moi, je serai d'accord de sauter avec une hôtesse. C'est Ludo de Moulbey qui avait envoyé le message. Oui, bon, on s'en doute, hein. Coucou Mickaël, pas de place à gagner pour le concert de Grégoire, lol, pour la Saint-Nicolas des enfants. Bonne journée. Ah oh non, lol. Grégoire, non. MDR. Non, non, oui, joli. Grégoire, non. Bon, et la devinette qui colle, on va vous la rappeler maintenant, toujours avec des écrans plats à gagner ou des packs Nintendo Wii. Attention, une table, il peut exiger de gazon, il peut se contenter. Son filet ne sert pas à pêcher. Ses tournois sont très prisés. C'est un sport que l'on cherche. Bonjour tout l'équipe, c'est du ping-pong, c'est Ludo. Bah non, Ludo, c'est pas la bonne réponse, bien que ce soit pas très loin, mais c'est pas la bonne réponse. En général, c'est un sport qui est relativement silencieux, et tout ce qu'on entend, c'est des espèces de gros cris comme ça, c'est-à-dire que si tu ne regardes pas les images, tu pourrais te demander ce qui se passe quand même. Hein. Bon, ça se joue à 2 ou à 4, généralement à 2 quand même, cela dit au passage. La bonne réponse au 63-22, ça nous rend le message, il y a des écrans plats à gagner ou des packs Nintendo Wii, bonne chance. Bah, je vous le disais, tiens, David Guetta et Usher, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est ça. Voilà, ça va arriver dans un instant sur Fun Radio, juste après l'info de Julie, David Guetta et Usher, Without You, et à 8h pile, et ben je pense qu'il est temps et bon de passer à l'info. Bonjour à tous, une page de l'Italie se tourne. Silvio Berlusconi va démissionner vraisemblablement à la mi-novembre. Il Cavaliere a subi un revers de trop. Il a perdu la majorité absolue au Parlement. Cette fois, il jette l'éponge. Il démissionnera après l'adoption au Parlement des mesures promises à l'Union européenne pour éviter la contagion de la crise de la dette. Pendant qu'en Grèce, les pourparlers continuent pour former un gouvernement d'union nationale. En France, dans l'affaire du meurtre de la petite Océane, un jeune homme s'est présenté à la gendarmerie hier soir afin de demander à ce qu'on vérifie s'il n'était pas l'auteur du meurtre de la fillette de 8 ans dont le corps a été retrouvé dimanche matin à Bellegarde dans le Gard. Il ne se souvient pas de ce qu'il a fait samedi soir, le soir de l'enlèvement d'Océane. Chez nous, l'absentéisme au travail pour cause de maladie explose, plus 30% en 10 ans. Fatigue, stress, manque de motivation, tous ces éléments peuvent jouer. Un absentéisme qui coûte cher à l'employeur, 875 €, c'est ce que vaut en moyenne une journée d'absence pour maladie. L'étude du CFR Institute constate une réelle différence entre les entreprises qui portent une attention particulière au bien-être de leurs travailleurs. Le taux d'absentéisme y était de 3,6% en 2009, alors qu'ailleurs il est de 5,58%. Else Klotemans, qui avait été condamnée en octobre de l'année dernière à 30 ans de prison pour avoir donné la mort à une rivale en sabotant son parachute, a introduit une plainte devant la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg. C'est l'ultime possibilité qui lui reste pour tenter d'obtenir un nouveau procès d'assises. Else Klotemans avait introduit un recours en cassation contre l'arrêt de la Cour d'assises de Tongres qui l'avait condamnée. Mais celui-ci avait été rejeté pour des raisons de non-respect de délai. Les agences locales pour l'emploi tirent la sonnette d'alarme. Un arrêté royal impose à ces agences de renflouer les caisses du fédéral. Et cet arrêté de la ministre de l'Emploi, Joëlle Milquet, prévoit de ponctionner sur les réserves des ALE. Chaque agence aura un montant à rembourser en fonction notamment de son activité titre et service. 10 000 emplois sont menacés sur l'ensemble du pays. Selon les syndicats, la plupart des agences ont déjà puisé dans leurs réserves et donc, si l'arrêt est maintenu tel quel, ce sera soit la fermeture d'agence, soit la suppression d'effectifs. Une manifestation est prévue le 25 novembre à Liège. Et puis, pour trouver un emploi, justement, plus facilement, mieux vaut être bilingue. Près d'une offre d'emploi sur 5 proposée par le Forum exige explicitement la connaissance d'une autre langue que le français. Pour favoriser l'emploi, le gouvernement wallon va lancer Wallang, une plateforme d'apprentissage du néerlandais, de l'allemand et de l'anglais, accessible gratuitement sur Internet. Il est 8h2 sur Fun Radio. Dans un instant, il y a David Guetta qui va débarquer avec Usher. Ce sera Without You. Et passons d'abord à la météo. Un temps parfois fort nuageux, surtout en matinée, mais toujours généralement sec. L'après-midi, quelques éclaircies se développeront. Maxima entre 12 et 17 degrés. Demain et le reste de la semaine, beau soleil. Mais juste demain, on parle quand même de quelques gouttes possibles sur le littoral. Très bien. Et à 8h02, dans un instant, je vous explique comment faire pour vous faire rembourser vos factures cash sur Fun Radio. Je vous explique ça dans 20 secondes. Fun Radio. Fun Radio. Et le concept est relativement simple. Si vous voulez vous faire rembourser votre facture, vous nous envoyez un message au 6322 en débutant le message simplement par facture avec le montant et l'objet de la facture. Et peut-être que dans 5 petites minutes, on appellera chez vous en direct pour vous rembourser votre facture. Comme par exemple des factures qui arrivent à 49,63 € pour Mobistar, 30 € pour Beliacom, 80,22 €, mais on ne sait pas pourquoi, 40,40 € pour Proximus, 95 € pour l'assurance, 160 € pour le gaz et l'électricité, 76,90 € pour des vêtements, etc., etc. Donc si vous voulez que vous aussi, bah, peut-être qu'on va vous appeler là dans quelques instants, vous voulez qu'on vous appelle pour le remboursement de votre facture, 6322, vous débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Qui sait, ça tombera peut-être chez vous. Quelle est l'info en plus maintenant? Alors c'est la quinzaine de l'égalité des chances, j'en perds ma voix d'ailleurs, la diversité. Non, ça va, je l'ai déjà récupéré. Donc la quinzaine de l'égalité des chances et de la diversité, et justement, à propos de ça, cet après-midi, à la place Flagey, va se dérouler Face Life. Alors, qu'est-ce que Face Life? Face Life vous dit quelque chose peut-être par rapport à Facebook. Et en fait, c'est le premier événement Facebook dans la vie réelle. Alors, si vous aimez, envoyer un poke, taguer des photos, ça veut dire que y aura, chaque personne sera son propre Facebook. Et on pourra, ben, en live, donc on pourra voir vraiment la personne et la taguer, la poker. La poker, c'est lui mettre un gros point, une grosse droite en fait. Mais non, pas du tout. Lui demander, veux-tu être mon ami? Liker le statut, parce qu'ils auront, j'imagine, donc un petit panneau pour écrire les statuts et ce genre de choses. Donc c'est à la place Flagey cet après-midi, Face Life, un village Facebook qui propose aussi aussi plein d'autres choses, hein. Un wall of diversity grandeur nature, des concours avec iPad 2 à gagner, etc. Des séances de photos originales. Des iPad 2 à gagner. Un mur pour poster les messages, forcément, et sur le thème de la diversité, hein, puisque je le rappelle, c'est la quinzaine de l'égalité des chances et de la diversité. Et c'est vrai que l'idée est quand même assez originale. Original, ouais. Si vous avez envie de liker et peut-être vous faire de nouveaux amis dans la vie réelle, Toffy sera d'ailleurs. Rendez-vous cet après-midi sur la place Flaget pour le FaceLife. Voilà, c'est à Bruxelles, donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à y aller. Et puis si vous n'êtes pas dans le coin, et si vous avez l'occasion, allez-y, tout simplement. Voilà, 8h05 sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde. Dans un instant, le remboursement des factures, je vous l'annonçais. On fait ça juste après David Guetta et Usher. Donc dans 3 minutes 25, on appellera peut-être chez vous 6322 pour vous inscrire. Vous débutez votre message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Bonne chance tout le monde. 8h05 sur Fun Radio, c'est mercredi aujourd'hui, le 9 novembre. Il y a Liquili qui arrive dans un instant sur Fun Radio. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. Et le remboursement de vos factures, c'est chaque jour à 7h10, 8h10 et 9h10. Concept simple que je vous rappelle chaque matin, mais c'est normal. Pas mal de nouveaux auditeurs forcément, donc il faut leur rappeler cette règle. La règle est simple. Si vous voulez qu'on vous rembourse une facture de votre choix, vous nous envoyez votre message au 6322 par SMS en débutant le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Et si vous êtes tiré au sort, eh ben on vous appelle en direct. C'est parti maintenant. Il y avait quoi? Il y avait 139€ pour la cotisation sociale, 89,33€ pour Proximus. C'est occupé, on va rappeler. 65€ pour Internet, 40€ pour Unigro, 73,79€ pour Babystar, etc., etc. 120€ pour des tickets de remorquage de planeur. Ah bah dis donc. Oui, c'est parce que tout le monde se fait remorquer son planeur. Mais c'est oui, bien mais connu. Bien sûr, ça arrive tellement souvent. Bon, allez, c'est parti, on y va, on appelle. Si c'est encore occupé, bah ce sera dommage. Hein. Allez, c'est parti. En plus, on allait rembourser 54€ là. Ah, voilà, maintenant ça sonne. Allez, si cette personne décroche. Et qu'elle répond correctement. Allô. Allô, bonjour. Allô. Allô. Allô. Oui, allô, vous m'entendez? Oui. Oui, qui paye les factures le matin? Ah, c'est Michel, sur Fun Radio. Eh oui. Eh ben voilà, comment tu t'appelles? Christelle. Salut Christelle. Tu es dans quelle ville, Christelle? Liège. Liège, eh bien c'est parfait. 99 FM pour écouter Fun Radio à Liège. Et nous allons te rembourser tes 54€ qui ont été dépensés pour aller chez... Le dentiste. Exactement, et tu as bien fait parce que cette petite dentition était quand même relativement moche avant. Hein. Oh non. Hein, il était temps de faire la réparation quand même. C'est ça, on n'osait pas te le dire, mais il était temps. Parce que bon, les dents noires, tout ça, pas terrible quand même. Hein. Bon, t'as fait quoi chez le dentiste? Qu'est-ce que tu as fait chez le dentiste? Allô? Oui, bon, c'est pas grave, je poserai mes questions à ma mère. Bon, je disais, qu'est-ce que tu as fait chez le dentiste? Oui. Bon, oui, très bien. Eh bien, on va te rembourser ta facture. Hein. Non, c'était pour savoir si c'était une carie, si c'était un détartrage, si c'est. Enfin, voilà, je voulais simplement en savoir un petit peu plus, quoi, tout simplement. Mais bon, là, visiblement, notre standard ne nous le permet pas, mais rassurez-vous, lundi, nous devrions avoir un tout nouveau tout beau. Bon, alors, pas, c'est pas grave. Lundi, il sera jamais installé. Mais si, ça devrait aller, t'inquiète. Bon, 8h11 sur Fun Radio. On remet le couvert tout à l'heure, si vous voulez, éventuellement qu'on vous rembourse vous aussi votre facture. 6322, code facture, avec le montant et l'objet de la facture. On remet le couvert tout à l'heure. Il y aura Doudou dans un instant aussi. Et on écoutera dans un instant le son de Liquili. Liquili avec I Follow Rivers sur Fun Radio. Ça va débarquer sur Fun dans quelques instants. Restez bien là. Mickaël à la radio. Mickaël revient juste après ça. Fun Radio. Dans un instant sur Fun Radio, Elémé Fao avec Sexy and I Know It. Et à 8h17 maintenant, c'est l'heure de passer à l'horoscope avec Doudou. Fun Radio. Fun Radio. L'horoscope. Tiens, Doudou, ça vous dit d'aller à un mariage? Ah oui, avec plaisir. Moi, j'adore les mariages. On mange, on boit, on chante. Et c'est un mariage, quoi. Souvent, on rencontre la cousine qui fait des... truc salace. Oui, oui, oui, oui, oui. Mais je vous demande ça parce qu'en fait, il y a une Anglaise qui cherche quelqu'un pour l'accompagner au mariage de son frère. Ah, non problème, moi, je suis disponible. Non, c'est de l'italien, ça, Doudou. Enfin bon, il faut mettre une enchère sur elle et elle est déjà à 630€. Ah oui, mais non, ça va pas par contre. Hein. Je vais pas payer pour aller à un mariage. Pour ce prix-là, je vais au restaurant avec des gens que je connais. Oh, vous voulez pas rendre service, Doudou, hein. C'est, vraiment non, nul, c'est vraiment nul. Non, moi, bon. Les mariages, j'y vais gratuit. Bon, allez, les béliers, on va commencer avec l'horoscope, ça sera mieux. Oui, tiens, les béliers. Ne vous retranchez pas quand votre partenaire essaie de comprendre vos sentiments. Les taureaux. Grâce au soutien d'un bon ami, vous allez régler un problème. Les Gémeaux. Ne craignez pas de faire des erreurs. Les Cancers. De nouvelles perspectives s'offrent à vous et il ne tient qu'à vous de les réaliser. Eh oui, Julie va se barrer l'RTBF, un pied vers la mort. Les Lions. Un peu de risque, pardon, va vous donner des ailes. Les Vierges. Ne vous laissez pas envahir par la routine, l'amour en souffrira. Les Balances. Soyez plus optimiste et surtout plus courageux. Les Scorpions. Même si ce n'est pas votre but, vous agacez les autres avec votre ton ironique aujourd'hui. Les Sagittaires. Vous êtes sujet au stress et à l'agitation. Faites en compte, partie du sport et cessez de vous mettre sous pression. Les Capricornes. Profitez de cette journée pour faire souffler un vent nouveau dans votre vie de couple. Et oui, virez cette vieille cruche. Et les Verseaux. Suivez votre intuition, ce qui vous aidera, c'est une bonne planification professionnelle. Et enfin, les Poissons. Ne pensez pas trop, vous perdez la vue d'ensemble. Eh oui, forcément, et bon, bien. Merci Doudou, on vous retrouve dans une heure. Bah de rien, bien. Je serai encore là. Bah oui, et puis une dernière fois, je vous annonce l'énigme, hein. On va donner la réponse dans 3 minutes 19 après les MFAO. Une table, il peut exiger de gazon, il peut se contenter, son filet ne sert pas à pêcher, ses tournois sont très prisés, qui est-il? Ce n'est donc pas le ping-pong, ce n'est pas le squash non plus, ça fait partie de la famille en tout cas, et donc voilà, ce joue à 2 en règle générale, ça peut se jouer à 4 également, mais on va dire que c'est un petit peu plus rare quand même, hein. Si vous avez la bonne réponse, n'hésitez pas. Un indice également, Roland. Voilà. Oui, ou sinon Roger. Et oui, Roger, mais enfin, pas dit à la française, hein, parce que ça fait tout de suite beaucoup plus con là. Oui, mais justement, c'est Justine. C'est ça l'erreur, c'est qu'il s'appelle Roger et pas Roger. Ah, d'accord, ok. Parce qu'il est suisse et pas américain. Ouais, c'est vrai. Mais enfin, bon. Bon, voilà, la bonne réponse au 63-22. Ça le rend bien plus sexy si on l'appelle Roger. Bah, c'est ça, hein. 63-22 avec la bonne réponse, c'est 1€ le message. Écran plat ou les packs Nintendo Wii qui sont à gagner. Bonne chance. Et à 8h20 sur Fun, LMFAO, Sexy and I Know It. LMFAO sur Fun Radio. Sexy. Et il y a Outkast qui arrive aussi dans un instant avec Mrs. Jackson, côté souvenir. Ça va faire du bien ça. 8h23, il y aura aussi l'info de Julie qui va débarquer tout à l'heure. Et nous avons qui avec nous maintenant pour la devinette qui colle, pour la donner personne. La réponse. Comment ça, personne? Tu viens de te faire raccrocher au nez. Bah oui, mais si tu leur parlais mieux aussi là. Chouchou. Ce serait plus facile quand même, hein. Forcément, si tu décroches en disant connard, comment tu t'appelles? Forcément, ouais, les gens ils aiment ça. Ça marche beaucoup moins bien évidemment. Hein. Et ça s'en occupait. Allez, vite. Je répète. Alors, la devinette qui colle. Une table. Il peut exiger de gazon, il peut se contenter, son filet ne sert pas à pêcher, ses tournois sont très prisés. Qui est-il? La bonne réponse, il fallait l'envoyer au 63-22. Et nous allons prendre quelqu'un maintenant qui a cette bonne réponse justement et qui repartira soit avec un écran plat, soit avec un pack Nintendo Wii. Et comment s'appelle cette personne? Allô? Ah ouais, ça sonne, ça va très bien. On va faire avec en direct alors, hein. Allô, bonjour. Oula, il faut couper ta radio, hein. Coupe ta radio. Ah oui, oui. Oui. Voilà, coupe la radio complètement. Voilà. Ah, très bien. Bon, c'est Mickaël, t'es sur Fun Radio, on t'appelle pour la devinette qui colle. Comment tu t'appelles? Très difficile. Yann, oui, tu as un son dramatique. Je te répète la devinette qui colle. Une table, il peut exiger. De gazon, il peut se contenter. Son filet ne sert pas à pêcher. Ses tournois sont très prisés. Qui est-il, Yann? Le tennis, effectivement, le sport que nous cherchions et effectivement que tu as trouvé. Bravo à toi, tu repars avec un écran plat ou un pack Nintendo Wii. Tu choisis quoi, Yann? L'écran plat. Eh ben, l'écran plat est pour toi. Je te repasse chez Lob au standard. On va prendre tes coordonnées et puis on va tout simplement t'expliquer comment ça marche, d'accord? Merci, super. Salut, Yann, à bientôt. Salut. Ciao à toi. Nouvelle devinette qui colle, ça arrive dans un instant sur Fun Radio. Mais avant cela, nous avons avec nous quelqu'un pour la déclaration express. La déclaration express, c'est simple. Chaque matin vers 8h20, 8h25, Lob chante une chanson pour quelqu'un à qui vous voulez chanter une chanson, à qui vous voulez faire une déclaration express, que ce soit une déclaration d'amour, que ce soit une déclaration de rupture, que ce soit une déclaration d'amitié, pourquoi pas, ça peut arriver. Ce matin, qui est avec nous? Alors, on a Alex, 28 ans, de Liège. Salut Alex, comment ça va? Salut, ça va et toi? Bah oui, ça va tranquille. 28 ans à Liège, c'est 99 FM pour écouter Fun à Liège. Et Alex, tu veux qu'on fasse une déclaration express à qui? Delphine, ma copine. Delphine, c'est déjà ta copine? Oui, c'est depuis quelques années déjà. D'accord, ok, très bien. Bon, on va l'appeler et tu veux lui dire quoi si c'est déjà ta copine? Bah, en fait, entre guillemets, vous allez la remercier de s'occuper de mes enfants comme elle le fait. En même temps, c'est sa mère. C'est leur mère, hein. Mais bon. Ouais. D'accord, très bien. Et donc, on y va, on appelle. Bah écoute, c'est pas compliqué. Dès que tu l'as au téléphone, tu lui dis voilà, j'ai un truc à te dire. Écoute, et nous on enchaîne, d'accord ? Ah, pas de problème. Allez, c'est parti. Allez, allez, allez, allez, on est bon là, on est chaud. Voilà, nickel. Oui, allô ? Oui, je sais, moi. Écoute, j'ai un truc à te dire. Oui ? Oh, sur Likili. Mais oui, c'est parce que j'ai demandé en fait. Oh. On a vécu. Depuis 7 ans, plein de beaux trucs qu'on a kiffé pendant un an. On a discuté sur MSN, un vieux programme qui buguait. Maintenant tu dors avec moi. Cette lui déclaration aussi, express. De quoi ? Non, je demandais à Julie s'il avait demandé aussi pour je pète au lit. Oui, bien sûr. Oui. J'ai une petite commande personnelle là. Et c'était tellement romantique, dis donc. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé, Delphine ? Ben, je m'y attendais en fait, j'étais en train d'écouter la radio parce que je suis sur le chemin pour aller conduire les enfants. D'accord, ah ouais, ben voilà. Ouais, bah. Et donc, bon, en fait, quand on a téléphoné hier pour Alex justement, ouais. C'est moi qui ai décroché donc. D'accord. J'avais bien dit par rapport à ça. Ah ben bah, voilà. Ouais. Eh ben voilà, déclaration express qui est passée alors. Je vous fais des gros bisous tous les deux. Merci beaucoup. À bientôt, bye bye. Et puis nous, on va revenir après le son de Outkast sur Fun Radio, Mrs. Jackson. Le son d'Outkast à l'instant sur Fun Radio. Je vous rappelle qu'il y a l'événement aussi Starfloor qui aura lieu à Paris-Bercy. C'est l'événement Dancefloor de la fin de l'année. Si vous voulez gagner vos places pour aller au Starfloor, eh bien vous pouvez vous inscrire dès maintenant au 6322. Vous débutez votre message par Star avec vos coordonnées complètes et vous irez peut-être là-bas gratos tout simplement. Starfloor, c'est à Paris-Bercy. Bonne chance tout le monde. Dans quelques instants sur Fun Radio, on va se faire le son de Neyer avec Mombi et Pitbull. Pitbull qui sera d'ailleurs aussi d'ailleurs au Starfloor. Hein. Et toute la liste des artistes d'ailleurs disponible sur funradio.be. Et à 8h31, passons à l'actu maintenant avec Julie. Bonjour à tous, une page de l'Italie se tourne. Silvio Berlusconi va démissionner vraisemblablement à la mi-novembre. Il Cavaliere a subi un revers de trop. Il a perdu la majorité absolue au Parlement. Cette fois, il jette l'éponge. Il démissionnera après l'adoption au Parlement des mesures promises à l'Union européenne pour éviter la contagion de la crise de la dette. Pendant qu'en Grèce, les pourparlers continuent pour former un gouvernement d'union nationale. En France, dans l'affaire du meurtre de la petite Océane, un jeune homme s'est présenté à la gendarmerie hier soir afin de demander à ce qu'on vérifie s'il n'était pas l'auteur du meurtre de la fillette de 8 ans, dont le corps a été retrouvé dimanche matin à Bellegarde dans le Gard. Il ne se souvenait plus de ce qu'il avait fait samedi soir, le soir de l'enlèvement d'Océane. Chez nous, l'absentéisme au travail pour cause de maladie explose plus 30% en 10 ans. Un absentéisme qui coûte cher à l'employeur, 875 €, c'est ce que vaut en moyenne une journée d'absence pour maladie. L'étude du CFR Institute constate une réelle différence entre les entreprises qui portent une attention particulière au bien-être de leurs travailleurs. Le taux d'absentéisme y était de 3,6% en 2009, alors qu'ailleurs il était de 5,58%. Els Klotomans, qui avait été condamné en octobre de l'année dernière à 30 ans de prison pour avoir donné la mort à une rivale en sabotant son parachute, a introduit une plainte devant la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg. C'est l'ultime possibilité et qui lui reste pour tenter d'obtenir un nouveau procès d'assises. Els Klotemans avait introduit un recours en cassation, mais celui-ci avait été rejeté pour des raisons de non-respect de délai. Les agences locales pour l'emploi tirent la sonnette d'alarme. Un arrêté royal de la ministre de l'Emploi, Joëlle Milquet, impose aux ALE de renflouer les caisses de l'État. Chaque agence aura un montant à rembourser. 10 000 emplois sont menacés sur l'ensemble du pays. Selon les syndicats, la plupart des agences ont déjà pu puiser dans leurs réserves. Et donc, si l'arrêté est maintenu tel quel, ce sera soit la fermeture, soit la suppression d'effectifs. Une manifestation est prévue le 25 novembre à Liège. Pour trouver un emploi justement plus facilement, mieux vaut être bilingue. Près d'une offre d'emploi sur 5 proposée par le Forum exige explicitement la connaissance d'une autre langue que le français. Et pour favoriser l'emploi, le gouvernement wallon va lancer Wallang, une plateforme d'apprentissage du néerlandais, de l'allemand et de l'anglais, accessible gratuitement par internet. Et puis la SNCB met en garde les voyageurs contre de possibles perturbations du trafic tant national qu'international à partir de ce soir 22h jusque demain même heure, mais aussi vendredi. En cause, les actions de grève annoncées dans les ateliers de la SNCB. Il est 8h34, dans un instant c'est Neyor avec Moby et Pitbull qui arrive, ce sera Soave, et avant ça c'est la météo. Le temps sera parfois fort nuageux, surtout en matinée, mais généralement sec. Après-midi, quelques éclaircies, maxima entre 12 et 17 degrés. Demain, beau soleil et quelques gouttes possibles sur le littoral. C'est déjà ça. Et dans un instant, les derniers écrans plats qui seront à gagner avec les packs Nintendo Wii. Vous choisirez l'un ou l'autre avec une nouvelle énigme. Mais d'abord, c'est bien sûr l'info en plus. L'info en plus qui fait frissonner Toff, les yeux de l'op pétillent, oui bientôt peut-être du porno sur les vols Ryanair. Après avoir voulu proposer des sièges debout ou même supprimer les toilettes, Michael O'Leary, le patron de la compagnie aérienne low cost Ryanair, fait donc encore parler de lui. Il veut donc proposer des films porno sur ses vols. Alors il explique, la plupart des hôtels dans le monde ont ce service, pourquoi pas nous ? Bah c'est ça, hein, pourquoi pas ? Pourquoi pas, petite précision quand même, ces films ne seront pas diffusés sur les grands écran des appareils. Parce et que c'est ça qui est dommage. Il faut rappeler quand même que chacun n'a pas sa petite télévision. Dans les vols Ryanair, on a déjà à peine la place de mettre ses pieds. Donc la petite télévision perso, ça n'existe pas. Il y a deux grandes télés pour tout le monde. Et donc, il précise que ce ne sera pas diffusé sur les grandes télés pour tout le monde, mais sur des iPads ou iPhones. Voilà, ça peut être un bon plan. D'ailleurs, on appellera des gens dans quelques instants, comme un on l'a bon fait. Plan, mais imagine, tu t'assieds à côté de quelqu'un qui décide de se faire un petit film porno. Franchement, ça, c'est ouais. Bon, tu peux te branler gratuit. Non, ah justement, non. Tant qu'il ne fait pas ça, tu rigoles. Non, pourquoi pas. On appellera des gens d'ailleurs dans quelques instants, comme on l'a fait à 7h10 et à 8h10, ouais, pour voir si effectivement ils seraient prêts à payer pour ce genre de service. Voilà, pour l'instant on s'est fait raccrocher au nez plus souvent qu'on a eu une réponse, mais on va quand même recontinuer. On va quand même continuer, on va retenter l'affaire à 9h10. Et on va s'écouter le son de Neyor maintenant avec Moby and Pitbull, c'est Soave. Dans un instant sur Fun Radio, c'est Niro qui arrive avec Promises, message qui est arrivé. Salut Vince, j'ai une collection de 19 consoles et tous les Dragon Ball. Si on est ravis de la prendre, mais par contre, c'est Vin, ça fait 8h40 que c'est terminé son émission. Il est jamais trop tard. Mais il sera de retour dès ce soir pour la Libre Antenne à partir de 20h. Donc soyez bien là. Et puis dans un instant, Julien Derien qui officie tous les soirs avec l'ami Evan dans la tribu. Mais avant cela, devinette qui colle pour repartir une dernière fois ce matin avec un écran plat ou un pack Nintendo Wii. Écoutez bien cette devinette. De France, il nous captive. De poitrine, il est magique. Si en mesure, c'est celui du coup, celui du monde vaut le coup. Si vous avez la bonne réponse, qui est-il ? 63-22 avec la réponse et vous repartirez peut-être avec un écran plat comme c'est tombé déjà deux fois tout à l'heure, ou un pack Nintendo Wii. Je répète, de France, il nous captive, de poitrine, il est magique. Si en mesure, c'est celui du coup, celui du monde vaut le coup. Qui est-il ? Non, pas du tout. Si vous avez la bonne réponse, 63-22, bonne chance tout le monde. Et comme je le disais, Julien Derien, c'est le grand reporter qui est avec Evan tous les soirs entre 17h et 20h. Julien Derien qui est toujours, bien évidemment, aux endroits là où ça se passe, c'est le reporter, il n'y a rien à dire, journaliste d'investigation, je pense que nous pouvons le dire clairement. Julien Derien qui était avec Evan hier soir, écoutez. L'information aujourd'hui, c'est la conférence de presse qui s'est tenue au Japon pour prouver que la centrale de Fukushima avait été bien nettoyée. Alors pour ça, il y a un homme politique japonais qui est venu boire un verre d'eau provenant de la centrale. Je sais pas si vous avez vu les images. Donc j'ai décidé d'envoyer Julien Derien, ça m'a coûté une tonne en billet d'avion évidemment. Alors Julien, vous étiez sur place, comment ça s'est passé ? J'y étais. Vous êtes fou, je vais pas faire 10 000 bornes de trajet pour mater un mec qui boit un verre d'eau. Ouais, donc par contre, les notes de frais pour les billets d'avion, ça vous avait bien filé. Hein. Mais c'est important, Julien, c'est quand même du journalisme, un minimum, d'aller sur place. C'est important. Mais tu sais quoi ? Moi, je propose que demain, on crée un événement en mondovision, rediffusé par toutes les radios et les chaînes de télé du monde. Les journalistes de tous les journaux et magazines de chaque pays seront présents. On va louer le Stade de France qui peut contenir plus de 80 000 personnes. Ce sera la conférence de presse la plus importante de l'histoire. On fera ramener un orchestre pour la musique et petit à petit, les projecteurs éclaireront la scène, laissant entrevoir la poussière volante dans l'air étouffé par tant d'attente. Et là, ce que le monde entier attendait arrivera, un homme mangera une pomme. N'importe quoi. Faut toujours que vous tourniez tôt la dérision. S'agit tout de même de l'eau qui provient d'une centrale nucléaire, Julien. Mais je l'ai vu à la conférence de presse, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, c'était assez impressionnant. L'homme politique japonais a bu entièrement son verre d'eau. Et là, vous savez ce qui s'est passé? Non, dites-nous. Ah, il est devenu jaune. J'aurais bien aimé vous y voir. Je me suis procuré cette fameuse eau de Fukushima. Donc moi, j'ai bu une bouteille entière et le résultat est étonnant. J'ai une excroissance au niveau de certains membres. Ça y est, le fameux cliché de Tchernobyl. Alors, genre, vous avez trois bras, c'est ça? Non, pas trois bras, mais hier j'ai pris une douche et en enlevant mon caleçon, je me suis dit que ce qu'il y avait dedans c'était tellement énorme que c'était pas humain. Ouais, une grosse bite. Tiens donc, et votre deuxième membre qui a eu un problème, c'est lequel? Bah figurez-vous que ça tombe bien car c'est ma main. Merci Julien. De rien. Et voilà, Julien Doriac sera de retour dès ce soir évidemment, partir de 17h dans La Tribu avec Evan, avec Noémie, avec Monsieur Moon cette semaine puisque Monsieur Milan est en vacances. Il est 8h43. Je vous rappelle la devinette qui colle dans un petit instant. On l'avait déjà donné, hein, ce n'est pas la Terre, hein, non plus la bonne réponse, hein, ni un coq. Je ne vois pas le rapport avec un coq, mais bon, retenez bien, on sait jamais. On revient dans un instant avec le son de Niro. Je vous l'avais promis, ça va arriver. Également le dernier point, trafic et la ligne anti-relou comme chaque matin à 9h15. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Ah, c'est génial. C'est énorme ce que vous faites. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. 8h48 sur Fun Radio, l'infotrafic, que se passe-t-il sur les routes ce matin? Eh bien, bonne nouvelle, la chaussée est libérée à hauteur de Wetteren sur l'E40 Bruxelles en direction de Ostende, mais il y a encore des files à cet endroit. Objet encombrant sur le ring d'Anvers à hauteur de Deurne, la bande de droite est obstruée au kilomètre 4.4 par un pneu. Voilà, si vous êtes témoin d'un problème sur la route, n'hésitez pas, et Mickaël officiel sur Twitter ou sur Facebook, vous nous envoyez vos messages, ou alors au 3044 par SMS. Sinon, un message qui est arrivé, je suis arrivé, mon amour, à tantôt, je t'aime. Bon, on est ravis que tu sois arrivé, on ne sait pas qui tu es, mais on est ravis que tu sois arrivé à bonne destination. C'est Chouchou qui a envoyé un message. Ah bah oui. Ah bah qui sait, on sait. Non, je viens de vérifier, ce n'est pas son numéro. Ah, c'est dommage. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0-473-86-00-13. Fun Radio. Fun Radio. La ligne anti-relou sur Fun Radio, c'est à 7h-10, 8h-10, 9h-10. Chaque matin, le numéro à retenir, 0-473-86-00-13. Vous envoyez, vous donnez ce numéro de téléphone tout simplement à tous les relous que vous pouvez croiser à un moment ou à un autre, que ce soit en rue, que ce soit dans un bar, que ce soit votre prof, que ce soit votre directeur, n'importe quoi. Vous envoyez votre message au 0-473-86-00-13. Enfin, votre message. Vous donnez ce numéro pour que lui dé sa message, évidemment. Hein. Le relou, bien entendu. Allez, c'est parti. On écoute le premier. Eric, c'est Lucie. Voilà, je t'appelle en fait parce que j'ai un petit problème. Enfin, je me rappelle plus de rien. L'autre fois, écoute, j'étais ivre morte. Je voulais savoir, en fait, il y a 15 jours, quand on a couché ensemble, si t'avais mis un préservatif. Parce que là, j'ai pas mes règles et ça m'inquiète vachement. En fait. Il est jamais trop tard pour s'en inquiéter. Hein, Et pour prendre la pilule. Et pour prendre la pilule et puis pour tout le reste aussi. Hein, donc, bon, sortez couvert, on le répétera jamais assez. D'autres autres messages laissés sur la ligne anti-relou. Allô, Anaïs, c'est moi, pour le prévenir que je suis devant l'école, je t'ai pas vu. Qu'est-ce que tu fais? Je serais sympa, tu me rappelles. Merci. J'aime bien ce blanc là. Très sympa si tu me rappelles. Merci. Merci. Voilà. Bon, et dernier message pour ce matin. Salut, tu me plais très bien. Tu es une mignonne nana. J'ai envie de t'embrasser. Oh. J'ai envie de t'embrasser. Un pervers en plus en circulation. Oui, c'est la même famille que. Je voudrais remercier tout le monde d'avoir venu. Voilà, à mon avis, il doit venir de la même famille, je pense. Bon, allez, c'est 8h50 maintenant. C'est le son de Niro qu'on écoute avec Promises. Juste après, on appellera des gens pour leur proposer de payer pour des films porno chez Ryanair. C'est la nouvelle idée du patron de Ryanair. Et puis, je vous rappellerai également la petite devinette qui colle pour repartir avec un écran plat ou un pack Nintendo Wii ce matin. Bon réveil sur Fun Radio. C'est Fun Radio, dans un instant c'est DJ Antoine qui arrive avec Tom Dice et Sunlight. Je vous rappelle la devinette qui colle maintenant, écoutez bien. De France, il nous captive. De poitrine, il est magique. Si on mesure, c'est celui du cou. celui du monde vaut le coup. Si vous avez la bonne réponse, qu'est-ce qu'on cherche donc? Qui est-il? 6322, c'est 1€ le message. Vous repartirez avec un écran plat ou un pack Nintendo Wii. Si vous avez la bonne réponse et que vous êtes tiré au sort, on proposait encore le coq. Mais qu'est-ce que vous avez avec le coq là? Je vous parle de rapport. Oui. Bah, si, c'est bien connu le tour du coq. Mais oui, mais c'est ça, c'est pour ça que je. Non, tu veux dire le coq du monde? Oui. Ouais. Et ouais. Non, je vois pas. Ouais, ouais. Si t'avais pas enlevé personne avec avec c'est ça. Si, si, si, si, on avait capté, c'est pas grave. Mais bon, bah voilà. Tout le monde l'aura fait, tu vois, voilà. Tout le monde. Personne, peut-être que personne n'a capté, donc on va plus rien dire. Hein. 6322, si vous avez la bonne réponse, allez-y. Bon, allez, c'est parti, on y va, on appelle maintenant proposer aux gens, en fait, leur demander combien ils seraient prêts à mettre pour payer pour regarder un film porno dans un avion Ryanair. C'est la nouvelle idée du patron de Ryanair. Voilà, et moi, je veux savoir combien les gens sont prêts à mettre pour regarder ça. On avait téléphoné à Lyon tout à l'heure, ça s'est mal passé. Et là, on va où? Je sais pas. D'accord. Bah, bon, écoute, on y va. C'est dans une ville. C'est un truc composé. Ah oui, à Vaux sous Chèvremont. Voilà, c'est très beau. Allez, c'est parti. On y va. On appelle. Voilà. Vaux sous Chèvremont. Tu voulais que je retienne ça. Près de Chauffontaine. Oui, bonjour monsieur. Oui, madame. Oui, non, c'est monsieur. Voilà. En fait, je vous appelle pour savoir si vous connaissez la compagnie Ryanair. Madame, c'est qui? C'est monsieur. voilà. Donc, je voulais savoir si vous connaissiez Ryanair. C'est un horaire pour téléphoner? Bah écoutez monsieur, oui, c'est un horaire pour téléphoner comme un autre. Oui, ça va aller vous faire foutre. Ah mais t'es gentil lui. Hein. Ah ils sont en pleine forme à vous sous Chèvremont. Hein. Oh là là. Bon allez, on des rappelle. Gens sympathiques. Ah très sympathique, on rappelle. Et en pleine forme. Ah, il décroche plus maintenant. Oui. Ah. Oui, excusez-moi, nous avons été coupés, je n'ai pas eu le temps de prendre votre réponse. Ça ne m'intéresse pas. Mais je ne vous demande pas si ça vous intéresse, puisque je ne vous ai pas encore dit pourquoi j'appelais. Vous arrêtez ce numéro, s'il vous plaît. Je ne sais pas si c'est certain que c'est une blague. Arrêtez, parce que ça commence sérieusement à me casser les couillons. S'il vous plaît, arrêtez. Vous pourriez répondre à ma question, justement, ça parle de couilles. Je réponds pas à votre question de merde. Ça ne m'intéresse pas. Bon, eh ben on va le rappeler, hein. Il avait l'air tellement open. C'est moi qui régale. Voilà. De toute façon, je pense que ça va être rapide. Probablement. Oui, allô? Oui, vous m'aviez demandé de vous rappeler, alors je suis là. C'est chez moi, appelle, hein, ça va. Oh, ben voilà. J'avais dit que c'était relativement rapide, hein. Je n'ai donc pas menti. Bon, et ben voilà, je pense que tout est dit maintenant, hein. Nous n'aurons pas de réponse à cette grande question. C'est bien dommage. On ne pourra pas estimer le prix. Ouais, c'est vraiment dommage. Dans un instant, c'est l'info qui arrive sur Fun Radio. Et à 8h57, on écoute DJ Antoine, Tom Dice, Sunlight sur Fun. Bonne matinée. Bonne matinée sur Fun. Et dans un instant, il y aura les infos évidemment. On écoutera aussi le son de Lucenzo. Lucenzo et Don Omar avec Danza Kuduro. Si vous aimez le style de musique, évidemment, on regarde tous les vendredis minuit, 1h sur Fun, c'est l'Invasion Latina. 9h pile sur Fun Radio, c'est l'info maintenant avec Julie. Bonjour à tous, une page de l'Italie se tourne. Silvio Berlusconi va démissionner vraisemblablement à la mi-novembre. Il Cavaliere a subi un revers de trop. Il a perdu la majorité absolue au Parlement. Cette fois, il jette l'éponge. Il démissionnera après l'adoption au Parlement des mesures promises à l'Union européenne pour éviter la contagion de la crise de la dette. Pendant qu'en Grèce, les pourparlers continuent pour former un gouvernement d'union nationale. En France, dans l'affaire du meurtre de la petite Océane, un jeune homme s'est présenté à la gendarmerie hier soir afin de demander à ce qu'on vérifie s'il n'était pas l'auteur du meurtre de la fillette âgée de 8 ans dont le corps avait été retrouvé dimanche matin à Bellegarde dans le Gard. Il ne se souvient plus de ce qu'il a fait samedi soir, le soir de l'enlèvement d'Océane. Et chez nous, l'absentéisme au travail pour cause de maladie explose, plus 30% en 10 ans. Un absentéisme qui coûte cher à l'employeur, 875 €, c'est ce que vaut en moyenne une journée d'absence pour maladie. L'étude du CFR Institute constate une réelle différence entre les entreprises qui portent une attention particulière au bien-être de leurs travailleurs et les autres. Le taux d'absentéisme y était de 3,6% en 2009 contre plus de 5,58% ailleurs. Els Klotemans, qui avait été condamné en octobre de l'année dernière à 30 ans de prison pour avoir donné la mort à une rivale en sabotant son parachute, a introduit une plainte devant la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg. C'est l'ultime possibilité qui lui reste pour tenter d'obtenir un nouveau procès d'assises. Els Klotemans avait introduit un recours en cassation, mais celui-ci avait été rejeté pour des raisons de non-respect de délai. Les agences locales pour l'emploi tirent la sonnette d'alarme. Un arrêté royal de la ministre de l'Emploi, Joëlle Milquet, impose aux ALE de renflouer les caisses du fédéral. Chaque agence aura un montant à rembourser. 10 000 emplois sont menacés dans le pays. Selon les syndicats, la plupart des agences ont déjà puisé dans leurs réserves. Et donc, si l'arrêté est maintenu tel quel, ce sera soit la fermeture des agences, soit la suppression d'effectifs. Une manifestation est prévue le 25 novembre à Liège. Et puis, la SNCF met en garde les voyageurs contre de possibles perturbations du trafic, tant national qu'international, à partir de ce soir 22h jusque demain même heure, mais aussi vendredi 11 novembre. En cause, les actions de grève annoncées dans les ateliers de la SNCB. Il est 9h02 sur Fun Radio, c'est le son de Lucenzo qui arrive avec Don Omar dans un instant, mais la météo c'est de suite. Fort nuageux encore dans la matinée, mais généralement sec. C'est l'après-midi, quelques éclaircies se développeront, maxima de 12 à 17 degrés, demain beau soleil et quelques gouttes possibles sur le littoral. Et donc 9h03, ne bougez pas, je vous explique comment faire dans un instant pour vous faire rembourser vos factures. Je vous rappelle aussi la devinette qui colle, ce sera dans un instant. Et Lucenzo, comme je promis, ça arrive dans 20 secondes. Fun Radio. Fun Radio. Et comment faire pour vous faire rembourser vos factures? Eh bien, c'est simple. Il suffit de nous envoyer un petit message. Maintenant, si vous le voulez, on appellera chez vous peut-être dans 5 minutes avec le code facture. En gros, vous envoyez votre message au 6322. Vous le débutez par facture. Vous mettez ensuite le montant et l'objet de la facture que vous souhaiteriez qu'on vous rembourse. Comme par exemple, facture 77 euros pour deux petites armoires. Qu'est-ce qu'il y a aussi? 91 euros pour des vêtements de sport ou de fitness. 90,01 € pour Télénet, Internet, TV, GSM. Qu'est-ce qu'il y a aussi? 49 € pour un garde-meuble, Locabox, qu'est-ce qu'il y a également, 30 € pour le téléphone portable, etc., etc. Si vous voulez qu'on vous appelle, donc 6322, débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Bonne chance d'abord. Bon, passons maintenant à l'info en plus. Eh bien, l'info en plus parle de FaceLife. Qu'est-ce que FaceLife? C'est le premier événement Facebook. C'est le concurrent Facebook. Non, le premier événement Facebook dans la vie réelle. Cet après-midi, à la place Flaget, se déroulera un Facebook géant. Donc, vous allez pouvoir poker les gens, les taguer sur des photos, liker et leur demander « Veux-tu être mon ami ?» Mais tout ça en vrai, en fait. Tu vas pouvoir aller directement chez la personne pour la poker. Donc, je pense que ça va être assez rigolo. Donc, c'est cet après-midi sur la place Flaget à Bruxelles. Il y aura donc un Facebook en live, mais aussi un World of Diversity, grandeur nature, des concours, des séances photo originales, un mur géant pour poster des messages, etc. Et tout ça sur le thème de la diversité, parce qu'en fait, c'est la quinzaine de l'égalité des chances et de la diversité. Donc, c'est un événement assez sympa sur ce thème. Donc, voilà, un Facebook géant. Donc, pour tous ceux qui sont accros à Facebook, voilà, arrêtez d'être collés à votre ordinateur. Rendez-vous à la place Flaget à Bruxelles pour un Facebook géant. Exact. Pour rencontrer peut-être cette fois des vrais amis et pas que des virtuels. Eh ben, en tout cas, bonne chance si vous y allez. Tout à l'heure, il y aura Toff normalement qui sera là-bas. Oui, hein. Je serai là-bas. Voilà, très bien. J'irai poker. Et il va poker, liker. Voilà. Bon, 9h05 sur Fun Radio. Je vous rappelle la devinette qui colle dans un instant. On va également vous appeler dans 3 minutes 13, juste après le son de Lucenzo et Don Omar, pour vous offrir peut-être le remboursement de votre facture. 6322, code facture avec le montant et l'objet. Bonne chance, on vous appelle peut-être dans 3 minutes. Le son de Lucenzo à l'instant sur Fun Radio. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. Et il y aura Andy Grammer aussi dans un instant, une nouveauté fun avec Keep Your Head Up. Et à 9h09 maintenant, nous allons appeler quelqu'un pour lui rembourser sa facture. Et oui, le concept est le même. Toutes les heures, 7h10, 8h10 et 9h10, on appelle chez vous au hasard parmi ceux qui se sont inscrits au 6322 en débutant le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. On appelle maintenant chez quelqu'un, peut-être la personne 60 € pour une amende, 54,95 € pour Beliacom, 70 € pour une facture de chez SM chez Baze, 115 € pour un contrôle d'électricité maison. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Qui rembourse les factures le matin? Michael, sur Fun Radio. Eh oui, bah voilà, quelle bonne réponse. Cette bonne réponse d'ailleurs vous permet de gagner, enfin je dis pas pourquoi je dis vous, te permet de gagner donc le remboursement de ta facture. C'était 37,95 €. C'était pour des produits de beauté, c'est bien ça? Oui, chouette. Eh hey, ben voilà, tu étais dans quelle ville? Dis-moi, comment tu t'appelles et tu es dans quelle ville? À Liège. À Liège, et comment tu t'appelles? Marie, et ben voilà, le remboursement de facture, Marie, il n'y a pas de problème. On va te rembourser ça, je te renvoie au standard, on va t'expliquer comment ça fonctionne, ok? D'accord. Ok, merci. Salut. Ciao à toi Marie, à bientôt. Et puis si vous aussi vous voulez qu'on vous appelle demain en l'occurrence à partir de 6h sur Fun Radio pour le remboursement de vos factures, il n'y a qu'une seule chose à faire, 6322, petit SMS à envoyer. Vous pouvez le faire maintenant si vous n'avez pas de problème, en débutant votre message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Bonne chance tout le monde. Dans un instant Andy Grammer, mais avant ça je vous rappelle une dernière fois la devinette qui colle de France. Il nous captive, enfin il nous captive, moi il me fait chier, mais enfin bon après moi aussi, attends c'est horrible. Bah ouais, de poitrine, il est magique. Si en mesure, c'est celui du coup, celui du monde, en revanche, vaut le coup. Moi j'ai envie de donner un indice. Oui, si tu pouvais éviter de donner la réponse comme Tof tout à l'heure. Hein. Pise. Je vois pas de quoi vous parlez. Oui, effectivement, World Trade Center, jumelles. Ouais, pas mal aussi, ouais. Voilà, tout à fait. Si vous avez la bonne réponse, donc 6322, qui est-il? C'est un écran plat qui est à gagner ce matin, ou alors un pack Nintendo Wii. Bonne chance tout le monde. Et à 9h11, on va écouter, avant d'accueillir Doudou, Andy Grammer maintenant. Keep your head up sur Fun Radio. Bonne matinée. Le son d'Andy Grammer à l'instant sur Fun Radio, et dans un instant il y aura également notre ami Doudou avec son horoscope. Mais avant ça nous avons qui, du coup j'ai oublié, comment? Jérôme. Ah Jérôme, salut. Salut Jérôme. Oui bonjour. Comment ça va Jérôme? Très bien, merci, vous m'avez appelé, je suis très content. Ben voilà, t'as vu un petit peu Jérôme, hein. T'es dans quelle ville? Ouais, moi j'habite dans le sud de la Belgique, province de Luxembourg. Province de Luxembourg, il n'y a pas de problème. Alors, attention, tu t'es inscrit pour gagner des places pour le Starfloor. Oui, exactement. Eh ben c'est gagné, ouais. On va te filer tes deux places pour le Starfloor, c'est l'événement Dancefloor de l'année, enfin de la fin de l'année plutôt, avec pas mal d'invités qui seront sur place. Il y aura Ina notamment, il y aura Pitbull, il y aura Antoine Clamaran, bref, du monde et du gros artiste. Toute la liste des artistes complète d'ailleurs sur funradio.be. Et tu vas venir avec la personne de ton choix, il n'y a pas de problème. Et en plus de ça, il faudra bien être à l'écoute lundi de l'émission entre 6h et 9h30, puisque je rappellerai un des gagnants pour lui proposer d'échanger ses deux places contre deux places avec le transport et avec la possibilité de rencontrer Jason Derulo, qui sera là également d'ailleurs sur l'affiche. Ah, c'est génial. Et ouais, bien voilà. C'est énorme. Donc quoi qu'il en soit, t'as jeté deux places, ça c'est acquis, clairement, certainement. Il n'y a pas de problème. D'accord? C'est super. J'en connais qui seront contents. Parce que j'ai une grande famille, donc il y en a certainement que ça intéresse beaucoup. Oui, par contre, il y en a qui vont tirer la gueule. La panoplie d'artistes qui est à l'affiche, ça doit être génial. Par contre, si t'as une grande famille, il n'y a que deux places, donc il y en a qui vont tirer la gueule, je pense. Enfin bon, après, tant pis. Certainement, on va pas faire autrement. Bon, bah passe une bonne journée en tout cas, et puis peut-être à lundi. Merci beaucoup. Salut, à bientôt, ciao à toi. Bon, bah voilà, une bonne chose de fait, tiens. Nous allons maintenant passer à l'horoscope avec l'ami Doudou. Fun Radio. L'horoscope. Ah oui, évidemment. Et oui. Doudou, dites-moi juste une petite question. On parlait de mariage tout à l'heure, là. Si vous voulez pas payer pour un mariage, là, est-ce que vous achèteriez la virginité d'une fille ou pas? Doudou, je vous entends mal. Oui, pardon, mais j'avais un petit problème de micro. Là. Ah oui, donc vous achèteriez la virginité d'une fille ou pas? Ah, mais non, ça va pas. Enfin, ce matin, vous avez des problèmes ou quoi? Non, acheter la virginité, mais non. Mais non, c'est pas moi, c'est une Australienne de 19 ans là qui vient de mettre sa virginité en vente pour 11 000 euros. 11 000 euros pour une fille sans expérience et qui va être chaude comme une étoile de mer? Non, ça vous plairait pas d'être le premier? Mais pas du tout, enfin, je préfère encore avoir Marie Audrey qui y a que le choix qui est pas passé dessus. Non mais attendez, ça va ici, on va peut-être se calmer, non? Ouais, non, mais... formule, hein. Bah attendez, oui, c'est normal, moi je veux pas tomber sur une gourde qui n'y connaît rien, enfin. Ouais. Bon, écoutez, merci pour cette explication Doudou, hein. C'est toujours un plaisir d'entendre votre avis. Hein. Ah bah écoutez, si je peux rendre service. J'en doute pas. Bon allez, on va commencer par les béliers, l'horoscope. Bien sûr, alors les béliers, vous ne vous retranchez pas, quand votre partenaire essaie de comprendre vos sentiments. Les taureaux. Grâce au soutien d'un bon ami, vous allez régler un problème. Les Gémeaux. Ne craignez pas de faire des erreurs. Et oui, les cancers ensuite. De nouvelles perspectives s'offrent à vous. Il ne tient qu'à vous de les réaliser. Les Lions. Un peu de risque va vous donner des ailes. Les Vierges. Ne vous laissez pas envahir par la routine. L'amour va en souffrir. Les Balances. Soyez plus optimistes et surtout plus courageux. Les Scorpions. Même si... attendez, les Scorpions, oui, c'est ça. Même si ce n'est pas votre but, vous agacez les autres avec votre ton ironique aujourd'hui. Les Sagittaires. Profitez de cette journée pour faire souffler un vent nouveau dans votre vie de couple. Les Capricornes. Suivez votre intuition, ce qui vous... C'est... Non, ça, c'est les Verseaux. Pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, pardon. Les Profitez de cette journée... Oh là là là là. Oui, mais c'est parce que je vois pas bien sur la feuille. Ça doit être ça. Profitez de cette journée pour faire souffler un vent nouveau dans votre vie de couple. Ça, je viens de le dire. Donc, voilà. On a dû se tromper avant. Oui, oui. Bon, les Verseaux. Suivez votre intuition. Ce qui vous aidera, c'est une bonne planification professionnelle. Et enfin, les Poissons. Ne pensez pas trop, vous perdez la vue d'ensemble. Eh ben voilà, à demain Doudou. Oui, à demain. Allez, à demain, 9h18 sur Fun Radio. On va s'écouter un son découvert sur Fun Radio. Tiens, Laurent Wery maintenant à 9h18. C'est Hey Hey Hey. La réponse aussi à la devinette qui colle. C'est dans un instant, bonne chance tout le monde pour les inscriptions. 63-22 avec la réponse. Écran plat ou pack Nintendo Wii à gagner. Le son de Laurent Wery sur Fun Radio à l'instant, 9h21. Il y a Mud & Hez qui va arriver aussi avec Eden Martin dans un instant. Ça sera Trust You Again. Il y aura également Lucas qui va arriver avec Le Self jusqu'à 13h. Vous ferez la prog avec lui au 3044 en débutant le message par Self et avec le morceau que vous voulez écouter. Ou alors vous envoyez tout simplement un mail, et là c'est gratuit. Vous faites ça sur lucas@funradio.be. Bon, avant cela, nous avons Ken qui est avec nous maintenant pour gagner peut-être un écran plat ou un pack Nintendo Wii. Salut Ken! Oui, bonjour. Comment ça va, Ken? Ça va et vous? Bah, ça va bien. T'es dans quelle ville, dis-moi? Florène. Ah, Florène, très bien. Alors Ken, tu as la réponse à la devinette qui colle. De France, il nous captive. Demain, il est magique. Si on mesure, c'est celui du coup, celui du monde vaut le coup. Qui est-il? Le tour. Eh oui, le tour. Eh oui, le tour de France, le tour du monde, le tour de poitrine, etc. Tous les indices qu'on vous avait donnés, bien sûr. Eh bien, ça te fait gagner un écran plat ou un pack Nintendo Wii. Que choisis-tu? L'écran plat, eh ben c'est le troisième de la matinée qui s'en va, il n'y a pas de problème, l'écran plat il est pour toi, on va t'envoyer ça à Florène Ken, sans problème, tu vas rester au standard avec l'Hub, on va tout expliquer dans un instant, d'accord? Merci beaucoup, bonne journée. Salut Ken, à bientôt, bonne journée à toi aussi, et puis bah restez bien sûr Fun, hein, puisque on remet en jeu les écrans plats, les packs Nintendo Wii également, les factures, dès demain matin à partir de 6h du mat, et puis souvenez-vous, pour ceux qui étaient là hier, pendant l'émission, on cherchait sur internet pour voir ce qu'on trouvait sur Julie, on cherchait Julie, des photos X de Julie, mais on l'a pas trouvé. Vous n'avez rien trouvé. Et Julie nous disait, mais non les gars, vous trouverez rien, blablabla, blablabla, mais bien sûr, tu nous as bien sous-estimé, et surtout tu as oublié de nous dire que tu avais fait une pub. Jamais de la vie. Et en plus, c'est pas pour n'importe quoi, bien sûr. Non, franchement, t'aurais pu nous le dire qu'il y avait ce genre de petits soucis. On aurait compris, c'est pas grave. Voici Julie. Bonjour à tous. Cet hiver, Julie est encore tombée malade. Ah oui, c'est vrai, ouais. Julie a encore passé plusieurs jours en face de sa cuvette de toilette. Mon Dieu, quelle horreur. Ah bah oui, dommage que Julie ne connaisse pas Probiotical. Probiotique quoi? Parce que Probiotical est l'ange gardien de votre flore intestinale. Probiotical, une innovation des laboratoires Facobel. Voilà, tu vois, tu nous aurais dit, on n'est pas des cons, tu vois, on n'est pas des enfoirés. C'est un très bon montage de Toff et je le félicite parce qu'il est extrêmement bien fait. Mais malheureusement, je n'ai pas fait cette pub parce que sinon, j'aurais touché un bon pactole. Oui, bon, enfin bon, pas assez pour te payer une nouvelle voiture. Hein. C'est une pub, c'est pas non plus la folie, quoi. C'est vrai. Donc, ça te rapporte pas mal. C'est vrai. Bon, enfin bon, écoute, il n'y a pas de problème, hein, t'inquiète pas. Tu sais, nous, tu nous dis les choses, on n'est pas des enfoirés, hein, t'inquiète pas. Ça restera entre nous. Bah, bien sûr. Tu nous connais. Tu nous connais. Bon, passez une bonne journée. Tout le monde, on va se quitter avec Matanaheads dans un instant. Eden Martin, donc Trust You Again, je vous l'avais promis. Julie, la bonne journée. Ah ben, la bonne journée, Michael. Et demain pour la dernière de la semaine. Mais oui, puisque vendredi, congé. Même moi, j'ai fait le pont. C'est exactement, ouais. Donc voilà, bah, c'est normal, 11 novembre évidemment. Toff, la bonne journée également. Mais oui, je serai à Face Live. Et oui, Face Live à 13h tout à l'heure. Je vais Face Live. Tout à fait, il va Face Live. Pour qu'il dans tous les sens. Exactement. Et Lob, la bonne journée également. Bonne journée aussi à toi. Eh ben, très bien. Passez une bonne journée, tout le monde. Alors, dans un instant, c'est Lucas. Loupez pas également Jasmine dès 13h pour Pure Dance Floor. Evan et toute la tribu qui sera là à partir de 17h. Monsieur Moon, il y aura également Noémie et évidemment Julien Derien. Et puis la libre antenne, le retour avec Vince à partir de 20h. Vous en avez pris l'habitude maintenant. Libre antenne 100% belge entre 20h et minuit, une heure parfois. On ne sait pas très bien quand est-ce que ça s'arrête, mais en tout cas, ça commence à 20h. Voilà, passez une bonne journée tout le monde. Profitez bien de cette journée qui sera relativement mauvaise en termes de météo, sauf peut-être cet après-midi. Cet après-midi, les éclaircies, le soleil revient tout doucement et revient très franchement demain. Très bien. Allez, Mutton Heads, on se quitte avec Eden Martin également. Trust You Again. Bonne journée tout le monde, à demain. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Salut, c'est Mutton Heads sur Fun Radio. Tous les matins, je n'écoute jamais Mickaël à la radio. Mickaël. Fun. À la radio. Il vous manque déjà. Mais c'est un cauchemar. Pas de panique. Mickaël à la radio revient demain dès 6h. Préparez votre réveil. Fun Radio. C'est l'événement Dance Floor de l'année. Star Floor. Star Floor. Le 26 novembre, avec entre autres Ina. Ina. Hi, this is Ina. Pitbull. Pitbull. Alexandra Stan. Tayo Tyler Cruz. Hi, this is Tyler Cruz. Florida. Florida. Colonel Rayen. Et Jason Derulo. Toute cette semaine, Fun Radio vous invite à cet événement incroyable. Avec la personne de votre choix. Tout est compris. Transport, hôtel, petit-déj et vos deux entrées. Vous en voulez plus? Fun Radio vous offre aussi la rencontre avec Jason Derulo. Un tête-à-tête dans l'intimité de sa loge. Pour gagner ce City Trick Live de folie à Paris, envoyez le code STAR au 6322. 1 euro par message. Si vous passez à l'antenne, vous gagnez d'office deux entrées pour l'événement Dancefloor de l'année. Dancefloor. Mais si Mickaël vous appelle le 14 novembre, à vous le City Trick Live à Paris. Starfloor. Le 26 novembre, un événement Fun Radio. Le son Dancefloor.